Île tropicale, île lointaine, île boréale, île au trésor, île déserte ou île au singe. Notre imaginaire est rempli d'îles exotiques. Quel meilleur thème de rentrée pour cette saison 13 alors que notre équipe s'est réunie à Belle-Île pour l'occasion. Zoologie insulaire, botanique insulaire, génétique insulaire et même astronomie insulaire, vous saurez tout sur les îles à la fin de cet épisode. Nous sommes le mercredi 9 septembre 2022, bienvenue sur Podcast Science, épisode 475. Cette année, nous avons hâte de faire une nouvelle saison avec vous, avec une énergie et une régularité toutes renouvelées. Pour commencer sous les meilleurs auspices, rien ne vaut de se ressourcer pendant les vacances. Et pour prendre de l'avance, nous avons en effet enregistré cet épisode de rentrée depuis Belle-Île-en-Mer, hébergé dans ma maison familiale. Au micro aujourd'hui, Topo. Salut. Moi-même, Johan. Irène. Bonsoir. Et l'irremplaçable Pascal à la technique. Salut tout le monde. En duplex, voire triplex, nous aurons Eléa depuis Strasbourg. Salut! Et Alexa depuis Los Angeles. Salut! Donc je vous propose de commencer par vous annoncer quelques petits changements que nous aurons cette année. Donc nous serons une fois toutes les deux semaines cette année. Et nous allons prendre le temps avant notre chronique de se présenter chacun d'entre nous pour ceux qui ne connaissent pas et pour annoncer aussi les petits changements dans nos vies respectives. Donc je suis Johan, je suis l'astronome de la bande et je travaille actuellement à l'Observatoire de Paris où j'étudie les exoplanètes en particulier. Et donc aujourd'hui je voulais parler d'univers îles, donc des îles dans l'astronomie. Et comme vous le savez peut-être, ou vous en rendrez compte rapidement, j'aime beaucoup parler d'histoire de l'astronomie. Et quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est comment certaines idées qui nous paraissent évidentes à ce jour ont émergé avec des théories contradictoires, des débats avec des arguments de bonne foi, ou des faits se représentaient contradictoires. En étudiant ces débats passés, on arrive à prendre du recul sur nos propres impasses actuelles. Par exemple, la nature de la matière noire, qui est un débat actuellement sur lequel les astronomes ne sont pas tous d'accord. Mais on se rend compte en fait que nous sommes actuellement dans ce type d'impasse en regardant les impasses sur lesquelles les astronomes du passé l'étaient. De savoir qu'on est bloqué sur des choses qui paraîtront évidentes aux astronomes dans 100 ans nous oblige à être plus indulgents avec les astronomes du passé. C'est comme un poisson rouge qui pense que son bocal est l'intégralité de l'univers, ou alors un orang-outan sur l'île de Bornéo, qui n'a pas vraiment de raison de penser que l'île de Bornéo n'est pas l'intégralité de l'univers. Aujourd'hui, je vous demande d'imaginer que vous êtes ce grand singe. L'avancée du savoir en astronomie se fait souvent par deux canaux complémentaires. Une avancée instrumentale, donc par exemple un nouveau télescope ou un nouveau type de détecteur, et une avancée théorique. Une personne seule ou un groupe d'astronomes font un effort d'imagination pour réanalyser les observations existantes pour en proposer une interprétation totalement différente qui les explique au moins aussi bien et souvent légèrement mieux. Donc par exemple, l'exemple le plus connu, c'est la révolution copernicienne. Donc quand Copernic et Galilée après lui proposent de renverser le modèle en vigueur pour affirmer que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non le Soleil qui tourne autour de la Terre. On a souvent tendance à présenter les opposants de cette révolution comme des croyants de l'Église catholique qui s'accrochent à un dogme incapable de s'adapter aux arguments scientifiques. Mais il faut bien voir qu'au moment de Copernic, les preuves observationnelles sont assez faibles. Et il y a même de bons arguments exprimés de bonne foi contre le modèle de Copernic, que je ne vais pas détailler ici. En tout cas, il faut tout de même imaginer le changement majeur qu'il propose et comprendre que pour opérer un tel changement, la communauté d'astronomes de l'époque a besoin de preuves majeures, que Copernic n'apporte pas d'ailleurs. Mais Galilée invente la lunette, un peu plus tard, ce qui permet d'apporter des preuves observationnelles. Ce changement de paradigme apporte tout un tas d'autres changements dans la foulée. Si le Soleil est le centre de son système et que le Soleil est une étoile comme les autres étoiles, alors il y a plein d'autres petits systèmes. Oui. Je réagis à Galilée qui invente la lunette. C'est pas, il n'aurait pas repris à lui l'idée de la lunette. Il aurait un peu, en gros, ça existait déjà, mais il l'a juste modifié et dit ouais, c'est super, c'est une nouvelle invention. Alors exactement. En fait, la lunette est inventée, mais tout juste avant, aux Pays-Bas. Alors je sais plus le nom exact, vers 1607. Et en fait, Galilée se tenait au courant des avancées scientifiques. Donc, dès 1609, il utilise cette lunette qui était plutôt inventée à des fins militaires pour la pointer vers le ciel. Et ça, d'ailleurs, c'est un truc qu'on va retrouver beaucoup dans toute l'instrumentation astronomique. La plupart des choses, comme les radars, comme les qui vont devenir les radiotélescopes ou ce genre de choses. Donc, dès qu'il y a une invention, souvent militaire, elle est utilisée pour servir de détecteur en astronomie. Donc, si le changement de paradigme de la révolution copernicienne apporte tout un tas d'autres changements dans la foulée. Donc, si le Soleil est le centre de son système, et que le Soleil est une étoile comme les autres étoiles, alors il y a plein d'autres petits systèmes. La question de l'organisation de l'univers, c'est ce qu'on appelle en fait la cosmologie, passe maintenant par la compréhension de comment s'organisent toutes ces étoiles entre elles. Donc, avant, c'était plutôt comment s'organisent les étoiles et les planètes dans notre système, et à partir du moment qu'on comprend que notre système n'est pas unique, du coup, ça devient la compréhension de l'univers devient la compréhension des étoiles autour de nous. Car on comprend rapidement que les étoiles ne sont pas réparties par hasard. Lorsque Galilée pointe sa lunette vers la Voie lactée, il réalise que cette grande trace qui traverse le ciel est en fait une énorme densité d'étoiles qui apparaît un peu nébuleuse lorsqu'on l'observe à l'œil nu. Assez rapidement, on commence à observer d'autres objets un peu nébuleux, comme la Voie lactée, mais il y en a d'autres aussi. Et à la fin du XVIIIe siècle, l'astronome Charles Messier fait donc un catalogue de tous ces objets un peu nébuleux. Et alors c'est rigolo parce qu'en fait l'objectif de cet astronome, il est uniquement intéressé par les comètes. Et en fait ce qu'il veut faire, c'est un relevé de tout ce qui n'est ni une étoile individuelle, ni une planète, ni une comète, pour être sûr de ne pas faire de fausses détections de comètes. Et donc en fait c'est la colonne autre slash ne sait pas d'un relevé des objets astronomiques. Et il ne sait pas encore, mais ce catalogue des objets étiquetés vagues trucs nébuleux non identifiés va se révéler absolument crucial dans les deux siècles à venir, car la plupart des objets d'étude de l'astronomie moderne se trouvent dans ce catalogue, ce qu'on appelle toujours les objets de Messier. Si vous entendez par exemple, je pointe mon télescope vers M47, ça veut dire l'objet de Messier numéro 47. Et encore de nombreuses galaxies sont appelées par leur numéro dans le catalogue de Messier. On parle de quelle époque, là, pour Charles Messier ? C'est 18e siècle, fin du 18e siècle. Ah, d'accord. Voilà. Mais ce qui est dans ce catalogue, en fait, est de plusieurs natures. Parce qu'en fait, oui, c'était tout ce qui était ni une étoile, ni une planète, ni une comète. Donc, il y a beaucoup de choses, en fait, là-dedans. Il s'agit de tout ce qui est nébuleux, c'est-à-dire étendu dans le ciel, mais que les télescopes de l'époque ne permettent pas encore d'identifier. Certains objets sont très proches de nous. Et on découvrira par la suite qu'il s'agit, par exemple, d'étoiles qui ont explosé, des restes de supernova, par exemple. Mais pour les autres, on pense qu'il s'agit de regroupements d'étoiles très proches les unes des autres, comme la Voie lactée, mais dont on a du mal à évaluer la distance. Vous vous demandez sans doute d'où vient le rapport avec le sujet de l'émission du jour, IL. On y vient. Le terme de IL-univers est utilisé par l'astronome Emmanuel Kant. Oui, l'astronome. Enfin, à la fin de sa vie, il a fait un petit peu de philosophie. Mais Kant commence sa carrière, bien avant de venir à la philosophie, par un petit peu de sciences naturelles. Il dira d'ailleurs qu'on doit à l'astronomie d'avoir permis à l'humanité, je cite, « de découvrir l'abîme de l'ignorance dont la raison humaine, sans cette connaissance, n'aurait jamais pu se représenter qu'il était aussi profond. » Wow. C'est bien une phrase de Kant, ça. Tu vois, dans le truc, il faut réfléchir. Ça, putain, tu peux pas mettre les mots dans le bon ordre. Et il dit « La réflexion sur cet abîme doit produire un grand changement dans la détermination des fins ultimes à assigner à notre usage de la raison. » Donc si je peux paraphraser, ça veut dire qu'en fait, l'astronomie nous a montré un exemple de problème si compliqué qu'il représente un défi pour la pensée humaine et que du coup, ça, c'est un bon exemple de ce qu'il faut, qui nous a permis de développer cette pensée humaine. Et bien sûr, au moment où il le dit, il pense aussi à toutes les questions philosophiques auxquelles il a pensé par le reste de sa vie, comme d'autres exemples de ce développement. On le voit à cette période, la physique et la métaphysique, donc la métaphysique c'est ce qui vient au-delà de la physique, ce qu'on appelle maintenant la philosophie, sont encore des disciplines plutôt proches et on peut passer continuellement de l'une à l'autre. On peut citer d'ailleurs aussi Descartes, qui est un peu dans ce cas-là, un peu au même moment, qui fait à la fois des fois de la physique et des fois de la métaphysique de manière continue. Kant est d'ailleurs un astronome un peu particulier. Il ne fait pas d'observation, il ne fait pas de calcul mathématique, il ne fait pas de tentative de preuve, il manipule les expériences de pensée et cherche à étendre des concepts dans son fauteuil de façon très proche de la façon dont il fait de la philosophie. Et il faut admettre que cette méthode a été très fructueuse. En 1755, il publie l'un de ses tout premiers ouvrages, Histoire naturelle générale et théorie du ciel. Ce livre serait sans doute resté assez confidentiel, S'il n'avait été défendu ardemment par un autre astronome, le Suisse Friedrich von Struve, dans un autre livre au XIXe siècle. Et il est à noter que Kant s'inspire sans doute des idées d'un autre astronome, l'anglais Thomas Wright. Donc je vais utiliser en fait des citations de Struve, qui a eu l'énorme avantage donc, de lire tout ce livre de Kant et de nous le résumer au XIXe siècle en français, ce qui du coup m'a permis de comprendre exactement les idées de Kant. Comprendre et, oui, non, et résumer, c'est-à-dire qu'il en a fait en 7 points seulement, en une page, il a résumé tout un livre, ce qui est très pratique pour moi, voilà. Donc sa première idée, c'est les étoiles fixes que nous apercevons, même à l'aide de télescopes, sont des soleils qui forment des centres des systèmes dans lesquels probablement tout est aussi grand que dans notre propre système solaire et se règle de manière analogue par la gravitation et par le mouvement centrifuge. Donc jusque-là, ça va, c'est clair, c'est pas très différent de ce qu'on pensait avant, c'est le soleil est une étoile, il y a d'autres étoiles et du coup, il n'y a pas de raison de penser que les systèmes sont particulièrement différents autour des autres systèmes. Donc ça, c'est des idées qui, depuis Newton, sont assez admises par la communauté de son temps. Là où il est plus original, c'est de remarquer, toujours depuis son canapé, que la force de gravité de Newton est partout et à toutes les échelles. Donc je cite toujours Struve, « L'action de la gravitation n'est pas renfermée à chaque système à part, elle s'étend d'un système solaire à l'autre. Et c'est ainsi que tous les soleils que nous voyons forment dans l'ensemble un grand système d'un ordre plus élevé, celui de la Voie lactée. Les étoiles fixes sont donc les planètes d'un ordre supérieur, c'est-à-dire d'un mouvement extrêmement lent. » Donc là, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il se dit, bah, est-ce que pourrait pas y avoir une sorte de système solaire à l'étape supérieure, d'un ordre supérieur, où chaque étoile formerait une sorte de planète et qui tournerait autour d'un grand corps, voilà. Donc il applique un raisonnement de concept pour dire que de la même façon que les planètes se regroupent pour tourner autour du Soleil, les étoiles se regroupent aussi et tournent comme un système gravitationnel d'ordre supérieur. De la même façon, il déduit que comme toutes les planètes orbitent dans un même plan, le plan du système solaire, alors c'est sans doute la même chose pour les étoiles de la Voie lactée, qui orbitent toutes dans un même plan. Et donc, par un raisonnement uniquement analytique, il a émis une hypothèse qui s'avérera vraie sur la forme de la Voie lactée. Donc, il dit que la forme de la Voie lactée est sans doute plan, comme le système solaire est plan. On est d'accord que c'est contingent. On aurait pu être dans une galaxie qui n'a pas la forme de la Voie lactée, mais pour lequel il aurait pas eu le bon raisonnement. Alors, tout ce qu'il dit est pas totalement vrai. Après, il se trouve qu'effectivement, sur là, il a pas mal réussi. L'énorme majorité des galaxies orbitent sur un plan aussi. C'est pas le cas de toutes les galaxies, mais l'énorme majorité de la galaxie se forme sur un plan. Je vais revenir à la fin sur qu'est-ce qu'il dit. Il y a des choses qu'il dit qui sont assez impressionnantes de prédictions et d'autres qui sont un peu plus fausses, mais qui pouvaient pas forcément savoir. Voilà. Et là où il est encore plus impressionnant, c'est sa troisième idée. Notre Voie lactée n'est pas l'unique système de cette espèce. Des nébuleuses, donc le terme galaxie n'existe pas encore, donc des nébuleuses de forme elliptique que les télescopes ne peuvent pas résoudre en étoiles, se voient par-ci, par-là dans la voûte céleste. Il s'agit de systèmes semblables, réduits à un petit diamètre apparent par l'immensité des distances qui les séparent de notre Voie lactée. La forme oblongue de la plupart de ces nébuleuses indique qu'il existe aussi dans ces systèmes un plan principal, comme dans la Voie lactée, ou dans notre système planétaire solaire. Donc ces systèmes forment aussi un autre système, une sorte de système d'ordre 3 où tous ces amas d'étoiles graviteraient ensemble. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ne pose pas de bornes et il imagine qu'on pourrait avoir des systèmes et des systèmes de systèmes et des systèmes de systèmes et des systèmes de systèmes de systèmes de systèmes, etc. Et donc là où il est absolument incroyable, c'est la gravité ne s'arrête pas au niveau du système solaire. Elle est dans tout l'univers et du coup, à toutes les échelles, on peut avoir ça. Et donc, en fait, quand ses contemporains imaginent que la Voie lactée forme l'intégralité de l'univers et que les nébuleuses en font partie, il imagine que c'est une sorte d'univers littéralement infini où la Voie lactée ne serait qu'un regroupement local d'étoiles parmi d'autres. Et il appelle ces regroupements locaux des univers-îles. Et c'est ce que nous appelons des galaxies. Nous sommes des grands singes sur notre île et il nous est très difficile d'imaginer ce que nous voyons autour de nous, que ce n'est pas l'intégralité de l'univers. La taille absolument phénoménale de l'univers qu'il imagine est d'ailleurs un grand frein pour ses idées auprès des astronomes du XIXe siècle. C'est un peu l'idée, c'est si ce que dit Kant est vrai, alors l'univers doit être tellement grand, parce que là on prend plusieurs échelles de taille au minimum, on passe tout l'univers et la galaxie à la galaxie n'est qu'un point parmi l'univers quasiment. On passe de quelques milliards d'étoiles à quelques milliards de milliards d'étoiles. La controverse entre les nébuleuses font partie de la Voie lactée et donc l'univers et la Voie lactée et Les nébuleuses et la Voie lactée sont identiques, ce sont tous des univers-îles, des galaxies, va encore durer environ 2 siècles et se solder alors que l'astronome Hubble, dans les années 20, va réussir à déterminer la distance des nébuleuses. Il réalise alors qu'elles sont bien plus loin que toutes les étoiles de la Voie lactée et donc que l'intuition de Kant était vraie. Mais il fallait un traducteur entre les deux, quand même. Alors, mais là où c'est impressionnant, c'est qu'en fait, il va ouvrir l'idée des astronomes à cette idée que je pense que l'idée principale, c'est que la gravitation agit à toutes les échelles. Et donc, on peut imaginer une galaxie comme de la même façon qu'on imagine un système solaire. Et ça, c'est une idée qui est vraiment impressionnante, ouais. Bon, alors, tout ce que dit Kant n'est pas intégralement vrai. Donc, par exemple, ce que je viens de dire, là, l'extension du concept de système gravitationnel à toutes les échelles de l'univers, c'est très élégant, mais il y a aussi ses limites, parce qu'effectivement, l'architecture de ces systèmes change beaucoup. Donc, en fait, il imagine, par exemple, qu'il y a au centre de la galaxie un énorme objet qui serait l'équivalent de notre Soleil. Le problème, c'est que notre Soleil, il fait 99% de la masse du système solaire. Et donc, il imaginerait qu'il y aurait un truc au centre du système solaire qui serait 1000 fois plus massif que toutes les étoiles de la galaxie réunies. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il propose d'ailleurs, il dit peut-être que Sirius serait cet objet et qu'il serait tellement loin qu'on le verrait comme un point. Et maintenant, en fait, on le sait que c'est pas vrai. Ce qui tient en fait la galaxie entre elles, c'est pas un objet très massif au centre, c'est la masse des étoiles elles-mêmes. Elles s'entre-attirent entre elles. Et du coup, c'est ça qui tient la masse. On n'a pas besoin d'un objet central. Donc, par excès d'analogie, en fait, il imagine qu'il y a un objet central, ce qu'on a réalisé qu'il n'existe pas. Attends, et le concept là de trou noir, c'est pas quelque chose qui alimente un tout petit peu cette réflexion ou... Voilà. Donc, effectivement, au centre de notre galaxie, il y a un trou noir, ce qu'on appelle un trou noir supermassif. Et au centre de pas mal de galaxies, même si pas toutes. Les ordres de grandeur entre le Soleil et la masse du système solaire, c'est 99.8, je crois. Mm-hmm. C'est pas les 1000 fois qui seraient nécessaires. Alors que, c'est ça. Donc, justement, c'est 1000 fois plus important que tout le reste du système solaire. D'accord. Alors que le trou noir au centre de la galaxie, il fait quelques milliers de masses solaires. Et il y a 300 milliards de Soleil. Donc, les ordres de grandeur c'est totalement négligent, en fait. Le trou noir au sol ne permet pas de tenir la galaxie. C'est les étoiles elles-mêmes qui se tiennent. J'ai une petite question aussi. Est-ce que c'est cette diffusion de la matière dans la galaxie qui empêche la formation par accrétion d'un équivalent galactique des planètes? Il parle comme Kant, hein. Alors, ce que tu dis... Joli. Alors, ce que tu dis, c'est pourquoi est-ce qu'effectivement, peut-être que le fait qu'il n'ait pas ces gros objets qu'on pourrait avoir... Je pense que ce qui change, en fait, c'est autant la théorie de la gravitation est, sous certaines limites, la même sur toute la galaxie, autant ce qui va changer, normalement, c'est la densité. En fait, un soleil ou une planète, c'est des endroits qui sont très, très denses de matière, en fait. C'est un endroit où la matière est très compacte. Alors qu'en fait, entre les étoiles, il y a beaucoup de vide. Et donc, le vide qu'il y a dans le système solaire, en fait, est encore amplifié. La distance entre notre étoile et la plus suivante, c'est 3 milliards d'années. Donc, en fait, la densité n'est pas forcément la même à toutes les échelles de l'univers. Il y a des échelles où il y a beaucoup de densité, des étoiles, des échelles où il y a moins de densité. Et c'est ces différences de densité qui font que certains de ce qu'il appelle des systèmes gravitationnels vont prendre une certaine forme ou une autre. Et d'ailleurs, vient aussi de mon conclusion. Par exemple, il imagine du coup un système d'ordre 3 où les galaxies formeraient elles-mêmes un système qui tournerait et ce qui tournerait dans un plan. Donc là, voilà, système d'ordre 1, c'est système solaire, système d'ordre 2, c'est une galaxie, système d'ordre 3. Donc il pousse ce raisonnement. Et ça, en fait, ça ne marche pas pour des raisons là aussi de densité différentes. Par contre, effectivement, elles ont des influences entre eux. Ça s'accumule au sein de ce qu'on appelle des amas de galaxies qui s'agencent aussi en super amas de galaxies, etc. Mais ils ne s'agencent pas particulièrement selon un plan. Il va avoir même à très grandes échelles, c'est plutôt selon des filaments. Voilà. Et ça, c'est une histoire à ces échelles-là, en fait, la densité de matière est très faible, voire même, en fait, la matière est même plus le seul composant du tout, c'est la matière noire aussi qui apparaît. Mais j'en parlerai pas dans cet épisode. Ah merde, j'avais plein de questions. Voilà. Donc oui, en gros, la gravité est la même à toutes les échelles. Et forment des systèmes d'échelles successives, mais les formes exactes de ces systèmes dépendent de la densité exacte de la matière à ces échelles. Mais il est vrai que son intuition a permis à ses contemporains de pouvoir imaginer ces systèmes à différentes tailles. Et donc son concept d'univers-île, plus de 200 ans avant la découverte des autres galaxies, est une force majeure de l'esprit. Et c'est pour ça que Kant est considéré encore aujourd'hui comme ayant produit de grandes avancées en cosmologie. Wow. Et ben, impressionnant, effectivement. J'aurais pas dit. Depuis son canapé. Depuis son canapé. Donc voilà, je vous propose de passer à Alexa qui va rapidement se représenter. Oui, alors salut, donc moi je suis Alexa, donc je suis en chercheuse à Los Angeles. Je travaille sur l'évo-dévo des mammifères, donc comprendre comment les mammifères évoluent, pour essayer de comprendre comment les espèces se diversifient, et en particulier j'étudie plus précisément les chauves-souris. Je suis probablement plus à Los Angeles pour très longtemps, et donc voilà, il y a un retour peut-être en Europe qui se profile. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des chauves-souris, même si je les aime toujours autant. Oh là là, non, je vais vous parler d'une autre... j'avais envie de vous parler, donc pour le thème île, bien sûr, d'une espèce marine qui est répartie partout sur le globe, et en fait, c'est même l'espèce la plus étendue après l'homme. Et alors, vous allez dire, pourquoi les îles ? Parce qu'en fait, on connaît beaucoup de choses sur sa biologie grâce à des populations qui vivent près des îles, notamment près des îles de Vancouver, dans le Pacifique Nord-Ouest, aux États-Unis, donc c'est près de Seattle et Vancouver, etc. Et je voulais aussi parler de cette espèce, parce que bien qu'elle soit marine, elle a énormément de points en commun avec nous. J'ai nommé l'orque, qu'on dit aussi épaulard en français. Alors, si vous êtes de la génération 80-90, vous avez sans doute, ça vous a sans doute ramené Willy, directement. Sauvez Willy, je buzz. Voilà. Je n'ai jamais vu ce film. Moi non plus. Moi non plus. Et ben moi, enfin. je l'ai revu pour l'émission avant le pour préparer sacrifice. L'émission. Ah ouais, là bravo. Quel enfin, sacrifice. Rien, t'as les boomers. Moi, c'est une génération. Moi, j'ai pleuré devant Sauvez Willy. Alors moi, j'ai mais la musique. Juste l'entendre m'a fait limite presque monter les larmes, genre c'est revenu, ça m'a transporté direct en 93. Voilà, alors dans ce film, en fait, pourquoi je voulais en parler rapidement, parce que c'est un des films qui a vraiment mis un peu la lumière sur les orques, il y en a eu d'autres après, qui étaient beaucoup dans les aquariums comme SeaWorld et des choses comme ça, et qui a un peu montré l'intelligence des orques, des aspects de leur vie, qui ouvre en fait qu'une petite fenêtre sur ce qu'ils sont réellement, comme on va le voir, mais c'est un film qui a eu quand même un impact très très important pour la prise de conscience de ce que ça voulait dire de mettre ces animaux en captivité et de leur intelligence, de leur relation avec l'homme, de leur relation entre eux, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'avais envie de juste mentionner ce film en introduction. Alors vous savez, les orques, comme je l'ai dit, c'est des mammifères et ça vit dans l'eau, mais est-ce que vous savez à quelle famille de mammifères les orques appartiennent ? Alors, selon Saruman, ce sont des elfes torturés qui, après, ont généré une race d'organismes maléfiques. Très pratique parce que, en plus, ils n'ont même pas besoin de se reproduire. Pierre Cétacé. Ah, bravo. Alors, il s'appelle Killer Whale en anglais, donc ça donne ce petit côté maléfique. Cétacé, effectivement, c'est un cétacé. Quel type de cétacé ? Est-ce que vous savez ? Odontocète, tout à fait. Donc les cétacés avec des dents. Odonto, c'est les dents. Mais en fait, contrairement à ce que leur nom Killer Whale, whale en anglais, ça veut dire baleine, peut laisser penser, ce ne sont pas du tout des baleines, mais ce sont des dauphins. Ce qui peut paraître surprenant parce que c'est beaucoup plus gros qu'un dauphin et voilà, mais ce sont des delphinidés, donc ils font partie des dauphins. Des dauphins, on en a beaucoup beaucoup d'espèces différentes. Voilà, bon, vous avez sans doute le dauphin commun Tursiopte Truncatus qu'on voit un peu flipper en gros quoi, mais en fait il y a énormément d'espèces de dauphins. Par contre, des espèces d'orques, bon, je vais peut-être nuancer un peu plus tard, mais on en a qu'une seule espèce. Et les belugas du coup, c'est où ? C'est aussi des, alors, non, des dauphins ? Alors, oui, non, alors c'est pas des dauphins. Les belugas, c'est un groupe frère des dauphins. D'accord. C'est un groupe qui est voilà, qui est proche. C'est aussi un odontocète, mais c'est pas un dauphin. Mais les orques, par contre, ce sont vraiment des dauphins. Et on a une seule espèce. Là où on en a plein d'espèces, on a plein de genres de dauphins aussi. Par contre, l'orque, on a un genre, une espèce. Donc, et c'est quoi le rapport avec les pandas ? La couleur. Aucun. D'accord. La couleur. Ok, merci. Non, ce sont des mammifères. Et bah, tu me permets de faire une transition absolument magnifique. Donc, comme je l'ai dit, je vais parler très brièvement de la biologie de l'orque, parce que c'est pas vraiment là-dessus le sujet sur lequel je veux insister aujourd'hui. Et sinon, ce serait une émission complète 2-3 heures. Donc, on va peut-être pas faire ça pour une chronique. Donc, comme tu l'as dit, les orques, c'est des animaux qu'on a dans l'imaginaire collectif grâce à des films comme Sauver le Willy, mais aussi parce que c'est des animaux qui sont absolument magnifiques et assez iconiques. Ils sont énormes, peuvent peser jusqu'à 9 tonnes, par exemple. Ils sont très longs, jusqu'à 10 mètres. Ils sont noirs et blancs, donc leur corps est entièrement noir. Ils ont le ventre blanc, une petite tache blanche près de l'œil. Voilà, donc on a cet animal qui est immense, qui est en fait un prédateur... au sommet de la chaîne alimentaire, puisqu'il n'a pas de prédateurs, en fait. Donc, c'est vraiment l'apex des mers. Il peut même chasser des baleines, comme on va le voir. Il chasse des phoques, il chasse des proies qui sont plus grosses que lui. Et il chasse des humains aussi, quand même, on peut le dire. Non, et alors, il chasse pas. Alors, ça aussi, on y reviendra. On n'a pas de cas dans la nature d'orques qui chassent des humains. En revanche, il y a eu des attaques dans les parcs aquatiques, mais ça, c'est un autre problème. J'en parlerai brièvement à la fin. C'est sans doute lié au fait que ces animaux sont extrêmement frustrés, mais on n'a pas d'attaque sur l'homme dans la nature. Par contre, ils attaquent parfois des proies qui sont immenses. Et donc, ils utilisent pour se déplacer, comme les dauphins, l'écholocation sous l'eau, donc en émettant des échos qui reviennent. Et comme ce sont des mammifères, ils portent les petits dans leur ventre, donc exactement comme nous. Ce sont des mammifères comme les cétacés qui sont revenus secondairement dans l'eau. Donc, ils étaient terrestres, ils sont revenus dans l'eau ensuite. Et donc, bah, comme nous, ils allaitent leurs petits, qui sort d'ailleurs la queue en premier lors de l'accouchement. Ils ont un nombril, exactement comme nous. Ils respirent avec des poumons, grâce à leur évent sur la tête, qui est une narine modifiée, donc ils font ce bruit quand ils expulsent l'air et qu'ils respirent. Tu fais bien le bruit. Oui, c'est ce que impressionnant. Je me suis retournée. Donc, du coup, ce qui veut dire, c'est que vu qu'ils respirent de l'air avec leurs poumons, ils retiennent leur respiration, en fait. Ils sont en apnée. Ce ne sont pas comme les poissons, hein, même s'ils ressemblent à des poissons. Il y a des convergences évolutives. Ils ont des nageoires, ils ont une nageoire dorsale, ils ont des nageoires pour nager. Mais en fait, ils ont des poumons. Ils ne respirent pas, ils ne filtrent pas l'oxygène de l'eau grâce à des branchies. Et donc, du coup, à votre avis, combien de temps ils peuvent rester en apnée sous l'eau ? Plusieurs heures ? Eh ben, je pensais aussi, mais en fait, non, pas du tout. C'est beaucoup plus court que ça. 30 minutes. Non, c'est même moins que ça, en fait. Il reste en moyenne 15 minutes. Enfin, non, pas beaucoup moins que ça. En fait, en moyenne, il reste une minute, parfois 30 secondes, parfois 2-3 minutes quand ils chassent ou des choses comme ça. Ils peuvent rester, en général, jusqu'à maximum 15 minutes sous l'eau. Mais pas plus que ça. Ils ont vraiment besoin de remonter à la surface pour respirer sans arrêt. Et d'ailleurs, dernier fun fact un peu morphologique sur l'orque, enfin plutôt biologie de l'orque générale que je voulais aborder, c'est pour ça que, comme les dauphins d'ailleurs, dont ils font partie, ils ne dorment jamais complètement. Parce qu'ils ont une respiration qui est volontaire. Nous, on a une respiration qui est involontaire. Quand on respire, on ne réfléchit pas, c'est quelque chose qu'on fait de façon réflexe. L'orque, pas du tout, étant donné qu'il retient sa respiration sous l'eau, il choisit quand il respire, etc. Donc, pour dormir, il ne dorme que d'un demi-cerveau. Il y a un hémisphère qui s'éteint, donc ils dorment quand même, mais environ 5 heures par jour, ils sont dans ces périodes de repos où ils restent immobiles, ils se penchent sur le côté, ils se laissent dériver un peu, la moitié de l'hémisphère dort, ce qui fait que l'autre peut contrôler la respiration. Et après, ça s'inverse. Et ils font ça de quelques minutes à 30 minutes et ils dorment à peu près 5 heures par jour. Moralité, les orques sont insomniaques et nuls en apnée. Voilà, tout à fait. Enfin, nul en apnée. Je crois que le record chez l'homme, c'est... quoi, 10, 11 minutes en apnée, quelque chose comme ça, non, il me semble. Si. Ah ouais. 11 minutes c'est oui, si, oui, je crois ça, que ça va c'est autour de 10 minutes. Mais par comparaison, les baleines, ça reste combien de temps sous l'eau? Alors, ça dépend. Alors, les baleines, ça dépend lesquelles. Les cachalots, je crois que ça peut rester jusqu'à 90 minutes. Ce qui est long, mais ce qui n'est pas non plus un truc qui vit sous l'eau en permanence, quoi. Ouais, mais c'est balèze, quoi. C'est quand même balèze, ouais. Je viens de vérifier le record d'apnée, hein. Mais c'est plus que 10 minutes, hein. Le record avec inhalation d'oxygène préalable est détenu par Alex Segura Vendrell et s'établit à 24 minutes et 3 secondes. Et voilà les orques dans ta gueule. Oui, mais c'est avec de l'oxygène pur, non? En apnée, si tu prends juste de l'oxygène à la surface. Ouais, mais quand même, tu ouais, restes en arrêt. C'est vrai qu'on n'a jamais testé un orc avec de l'oxygène pur. Hein, et est-ce qu'il s'entraîne, etc. Voilà, bon. C'est quand même pas mal, cela dit. Bon, tout ça, c'est assez sympa. Ça montre que c'est des animaux qui sont, voilà, qui ont quand même une certaine capacité. Mais c'est pas vraiment pour ça que je voulais parler d'eux aujourd'hui. Je voulais parler d'eux grâce à au fait qu'ils nous ressemblent en fait énormément. Alors comme ça, on dit ok, ils ont des capacités d'apnée, qui les gens très entraînés peuvent ressembler à l'homme. Mais en fait, ils nous ressemblent surtout du fait de leur mode de vie et de leurs groupes sociaux. Parce qu'en fait, un orque, contrairement à Sauver Willy et aux histoires où on les voient tout seuls dans les parcs aquatiques, ne vivent absolument pas tout seuls. Ils vivent en groupe, donc en anglais ça s'appelle des pods, et je pense que la traduction que j'ai trouvée c'est surtout groupe ou matrilignage. Ils vivent jamais en fait tout seuls, qu'ils vivent à résidence, donc à peu près un peu toujours au même endroit, ou que ce soit des groupes qui parcourent les mers les océans du nord au sud. Ils sont toujours en famille, en fait, parce que les orques restent toute leur vie avec les membres de leur famille. Un matrilignage, donc un groupe d'orques, est dirigé par la femelle la plus vieille. Et en fait, tous les autres orques de ce groupe sont ses enfants, ou voilà, c'est tous ses enfants qui restent avec elle. Et donc, ça peut former des groupes qui peuvent être suivant les individus et où ils vivent, de 5 à 60 individus. Et après, quand le groupe devient trop gros ou que la femelle la plus âgée meurt, ils peuvent se diviser. Mais en gros, j'ai lu un chercheur qui parlait des orques et qui disait « Les orques, c'est des fils à maman. » C'est vrai. Ils restent avec leur mère toute leur vie. Et en fait, comment ils font pour se reproduire, pour éviter la consanguinité? Bah, ce qu'ils font, c'est que les mâles, périodiquement, à la période de reproduction, vont dans un autre groupe, vont se reproduire et reviennent avec leur mère ensuite. Et leur vie, c'est fou, hein. Tu t'es bien amusé, mon chéri. Tu t'es bien amusé, maintenant tu reviens à la maison. Et c'est fou parce qu'ils vivent, et ils vivent très longtemps, les orques, en fait. Ils peuvent vivre jusqu'à, alors les femelles, ça peut être jusqu'à 80-90 ans. Les mâles sont censés être un peu plus jeunes et ça dépend aussi de où ils se situent, en fait, dans le monde. Mais par rapport à l'homme, quoi, et à la structure, ils ont une structure sociale, ils vivent en famille et ils vivent très, très, très longtemps. Et du coup, en fait, on a cette structure qu'on retrouve pas vraiment beaucoup ailleurs dans le monde animal et qui fait dire souvent aux gens qui travaillent sur les orques qu'ils ont jamais rien connu de tel avec un animal et les interactions qu'il peut avoir. Et ce qui est super intéressant aussi, et là on va vous passer des petits extraits audio dans 5 minutes, c'est que chaque groupe a son langage. Ils ne ressemblent pas tellement par le fait qu'ils vivent en famille, mais ils ont aussi des langages par famille, par groupe, et ensuite groupe un peu plus grand, parce que parfois certains groupes se rejoignent, etc. Les orques en fait peuvent émettre jusqu'à 14 000 sons différents. Alors, les sons qu'ils peuvent émettre, il y en a de différents types. Il y a ceux qui sont utilisés pour l'écholocation, donc qu'ils utilisent pour se repérer, pour chasser, ce genre de choses. Ça leur permet pas de discuter entre eux, c'est vraiment pour se localiser. Ils ont ce qui s'appelle les whistles, donc c'est des petits sifflements qui sont pour des petites discussions à très très courte distance. Mais là encore, c'est on pense qu'ils utilisent ça quand ils chassent, quand ils veulent pas forcément être entendus de tout le monde dans la mer. Et sinon, ils ont ce qui s'appelle les cris, les calls, qui sont quand ils commandent la bière, comme dit Eléa. Et sinon ils ont les calls qui peuvent être aussi forts que des réacteurs d'avion en termes de volume, qui sont appris et qui sont leur langage en fait. Alors appris, qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que le bébé orque, quand il naît, il va pas être capable de faire ses sons, il va faire comme un bébé comme nous en fait, on va faire plein de petits sons différents et petit à petit ces cris vont se structurer jusqu'à représenter ceux de sa famille. Alors pour vous montrer la différence, Joanne, est-ce que tu pourrais passer le son clan A? Donc ça, c'est le clan A. T'imites vachement bien le clan A, Alexa, c'est impressionnant. C'est des gremlins, les machins. Ouais. Ouais. Et maintenant, vous allez comparer au clan G. Ah, Non, ça, c'est des Marseillais, ça s'entend tout de suite, l'accent. Non, mais vous voyez qu'il y a une différence quand même qu'on peut nous entendre à l'oreille. Et si on regarde, en fait, les chromatogrammes aussi, donc les audiogrammes, pardon, donc qui représentent le son, on voit... Ils sont noir et blanc, pas de chromatogramme. C'est ça, on voit les structures extrêmement différentes. Est-ce que tu peux passer aussi N7 et N9? Donc N7 et N9, c'est deux individus différents. Donc on voit là aussi qu'on peut reconnaître un peu leurs voix qui sont différentes. Et donc ça, ce que ça veut dire, et c'est très intéressant, ça veut dire qu'un orque d'un groupe, on ne sait pas en fait jusqu'à quel point il comprend le langage d'un autre groupe. Et quand on a des orques qui sont perdus, ces langages entre les orques sont même utilisés pour, par exemple, remettre un orque dans sa famille d'origine. On est capable d'identifier les familles et les clans. Les chercheurs autour de l'île de Vancouver qui étudient énormément tous ces individus sont capables de le faire. Et ça, c'est le quelque chose qui a été fait. Le petit Willy a perdu sa maman. Le petit Willy. Alors, en l'occurrence, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Springer, c'était un orque aussi dans le Pacifique Nord-Ouest qui s'est retrouvé tout seul, qui avait perdu sa famille et qui cherchait du coup le contact avec l'homme. Donc ça montre encore une fois qu'il y a il faut pas faire d'anthropomorphisme et les gens se refusent à le faire, mais les chercheurs qui travaillent sur les orques disent que les orques qui se retrouvent isolés cherchent souvent le contact avec l'homme. On sait pas trop pourquoi, mais ils s'approchent des bateaux, etc., etc. Et un de ces orques, Springer, qui s'était perdu, qui avait perdu son pod, s'est retrouvé tout seul. Les chercheurs ont identifié sa voix, son audiogramme, et ont pu le matcher avec l'audiogramme de son groupe. Et un an après, cet orque a été capturé, traité, soigné, etc., parce qu'il avait des petits problèmes, puis remis avec son groupe plus tard, qu'il a réussi à retrouver par l'analyse de ses sons. Qui fait dire aux gens qu'on a vraiment ce langage. Inversement, un autre orque, Keiko, l'orque de Sauver Willy justement, qui avait été capturé lui en Islande et ensuite mis dans un parc aquatique. Après le film, les gens ont voulu relâcher cet orque. Cet orque a été relâché en Islande, mais on connaissait absolument pas sa famille, donc il s'est approché d'un groupe d'orques. Les orques sont venus, sont tournés autour, sont repartis. Il a suivi un groupe à distance, mais apparemment sans vraiment s'y intégrer complètement. Et on pense que c'est notamment lié à ça, c'est que comme les orques vivent en famille, finalement, un orque qui serait relâché dans la nature retrouverait pas forcément un groupe, étant donné que ce serait pas sa famille. Et on ne sait pas si c'est uniquement parce que c'est des histoires de voilà, il n'est pas intégré, ou parce qu'ils parlent pas le même langage tout simplement en fait, et qu'ils peuvent pas se comprendre, qu'ils ont pas les mêmes apprentissages, etc., etc. Ou c'est un connard. Donc on a vraiment ou c'est un connard, qui sait. Non mais c'est possible aussi. Du coup voilà, donc on a vraiment ces structures que je trouve personnellement absolument fascinantes chez ces animaux. Alors plus largement, là j'ai parlé de ce qu'on sait vraiment, de ce qu'on connaît des orques qui ont été étudiés autour des îles de Vancouver. Donc on a deux zones majeures, on a trois clans dans les clans du nord, un clan dans le sud avec 16 différents groupes dans le nord et trois différents groupes dans le sud. Donc ça, ce sont des orques qui habitent vraiment à résidence à peu près dans cette région, qui voyagent un petit peu entre l'Alaska et le Vancouver Seattle, mais qui restent là. Ce sont des orques résidentes, mais on a aussi d'autres groupes. On a des orques qui sont transitoires, ouais, qui vivent plutôt dans l'océan et voyagent beaucoup plus, donc elles restent pas toujours au même endroit du monde, et elles ont un comportement différent. Elles sont beaucoup moins vocales. Les orques du Pacifique Nord-Ouest parlent beaucoup entre elles apparemment, elles font beaucoup de vocalisation, et les femelles par contre plus transientes parlent beaucoup moins. On a aussi des orques de haute mer qu'on connaît un peu moins parce qu'ils vivent en haute mer, qui ont l'air aussi très vocaux. La taille des groupes varie. Les orques transientes vivent en petits groupes, et les autres plutôt peuvent vivre en grands groupes, etc. Donc on a vraiment cette variation. D'où je reviens à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que ce sont des espèces différentes ou pas? La question se pose. Les orques transientes et résidentes, par exemple, du Pacifique Nord-Ouest, n'ont pas eu de brassage génétique depuis 2 millions d'années. Ça, on le sait parce que les chercheurs ont regardé l'ADN et ont vu qu'il n'y avait pas eu de reproduction. Est-ce que ce sont des espèces en train de se séparer? On ne sait pas trop, parce que toutes celles qui vivent en Antarctique ou des choses comme ça, c'est assez plus dur à étudier quand même. On pense qu'en fait, on a peut-être des sous-espèces. Pour l'instant, on parle d'écotypes. Mais voilà, il y a encore beaucoup de recherches à faire sur ce point de vue-là. Alors, on a vu qu'elles avaient un langage, on a vu qu'elles vivaient en famille. Maintenant, quid de l'intelligence? En fait, ces animaux fascinent également parce qu'ils sont très, très intelligents. Donc, on a vu déjà que ces animaux restaient avec leur famille toute leur vie. On a vu que ces animaux pouvaient retrouver leur famille. C'est des animaux qui aussi ont beaucoup de contacts entre eux, sont capables dans groupe, de réaliser beaucoup, beaucoup de choses. On pense qu'ils ont une certaine empathie et une certaine intelligence. En tout cas, ils ont conscience d'eux-mêmes. Quand on fait le test du miroir, là, qui est un test assez connu pour les animaux, ils sont capables de se reconnaître dans le miroir. Si on leur met des taches de peinture, ils vont interagir, se balancer des bulles pour voir un peu comment ça réagit. Ils ont l'air de comprendre ce qu'ils font. Ils apprennent énormément de choses dans les parcs aquatiques. Ils peuvent apprendre des tours, des choses, ils sont très intelligents pour ça. C'est vachement étrange, pardon, je t'interromps, sur le test du miroir, parce que on avait reçu Agatha... Diévin Bazin. Voilà, qui nous avait parlé des pies, et qui nous avait dit quelque chose d'assez intéressant, que le test du miroir, en fait, on s'est aperçu que pour les animaux, pas mal d'animaux aviaires, en fait, y arrivait à partir du moment où le miroir était horizontal, parce que l'idée, c'était que, en fait, l'exemple de miroir qu'elles avaient, ces oiseaux-là, c'était les lacs qu'elles voyaient de haut. Et du coup, si on leur donnait un miroir vertical, ils y arrivaient moins. Et du coup, ça me fait penser que pour les orques, en fait, il n'y a pas de miroir dans l'eau, en fait, donc elles n'ont pas l'habitude de ça, et du coup c'est assez étrange que il y a pas d'étendue d'eau comme pour les autres animaux où ils peuvent se reconnaître, quoi. Oui, alors peut-être. De toute façon, le test du miroir, c'est pour ça que j'ai dit c'est un peu controversé quand même. Enfin, mais il y a peu d'animaux qui sont capables de se reconnaître quand même. C'est vrai que dans l'eau, a priori, il y a pas de miroir. Maintenant, Il y a quand même la surface de l'eau quand tu l'approches. Oui. Tu as un effet miroir. Dans les deux sens, d'accord. Oui. Ok, je suis d'accord. Oui, c'est vrai, sous l'eau. Autant oui, t'as un effet miroir. Et puis, ce que je dirais quand même, c'est que quand ils ont fait ces tests, par exemple, dans les parcs aquatiques, ils ont des grands écrans où ils passent des images d'orques dans la nature. Et ils se sont rendu compte que les orques qui sont dans les bassins sont capables d'essayer de regarder l'orque qui est sur l'écran. Donc il y a une espèce de reconnaissance, en fait, visuelle, de, en tout cas qu'il y en a un autre. Et apparemment, quand tu fais le test du miroir avec des taches sur leur museau, ils sont capables d'essayer de bouger, de faire un peu des gestes comme ça. Et donc, ils auraient en tout cas un sens du soi, ce que les gens pensent. Et si on regarde leur cerveau, ils ont un cerveau qui est extrêmement girifié, donc très avec toutes ces petites circonvolutions là, avec un indice très très fort. Et ils ont même dans la région des émotions, le cortex insulaire qui processe les émotions est même plus gros que le nôtre. Et il y a même des papiers scientifiques qui disent qu'ils ont même certaines régions dans les régions qui nous sont associées à l'empathie que nous on ne possède pas. Et ils ont même fait le lien avec le fait que dans les parcs aquatiques où les gens font de la reproduction d'orques, donc de petits, et ensuite évidemment comme c'est des parcs aquatiques, c'est tout un business, donc parfois ils séparent le petit de sa mère quand il a 2 ans. Les orques font vraiment les gens qui ont assisté à ça disent qu'ils ont l'impression de voir un deuil. Enfin, il y a vraiment un comportement de l'orque en tout cas qui est très très très difficile comme ça, ce qui laisse penser aux gens que voilà, il y a en tout cas cette conscience de ce qui est logique avec la vie qui mène de la famille, du soi, des individus, etc. Cette intelligence, elle se retrouve aussi dans la façon dont ils chassent et dont ils vivent en groupe. Un orque, c'est gros. Donc ça mange quand même à peu près 75 kilos de nourriture par jour, parce que bon, ça pèse quand même plusieurs tonnes. Et pour chasser, il y a des choses absolument incroyables. Par exemple, pour attraper les phoques, ils vont se mettre tous ensemble, donc ceux qui sont plutôt dans l'Arctique ou dans l'Antarctique, ils vont se mettre tous ensemble autour d'un iceberg, par exemple, et vont faire des vagues pour pousser l'iceberg et attraper le phoque. Donc, c'est vraiment des attaques coordonnées. Ils sont capables d'apprendre des choses aussi. Par exemple, pour les éléphants de mer, dans les îles Crozet, donc plutôt dans les océans du Sud, je crois que c'est au bout de l'Afrique, enfin vraiment, enfin, plus vers l'Antarctique en fait, ils sont capables de se beacher sur la plage. Donc, ils arrivent sur la plage, ils s'échouent sur la plage pour choper un éléphant de mer et revenir dans l'eau. Et ça, c'est un comportement, encore une fois, qui est appris culturellement dans certains groupes. Et les orques, les mères entraînent leurs petits à faire ça. Et ils les entraînent même des fois avec des algues à la place des éléphants de mer pour les apprendre, en fait, à se beacher, à revenir. Parce que ça comporte un risque, évidemment, de faire ça, parce qu'ils peuvent s'échouer. Voilà, pour apprendre ce comportement, pour attraper des éléphants de mer. Certaines populations ne mangent par exemple que des poissons, et ils ont une écholocation si précise qu'ils sont capables d'identifier le type de poisson à leur vessie natatoire, donc ils envoient un écho et ils sont capables de capturer uniquement cela. Les orques peuvent même tuer des baleines bleues, vous voyez un peu la taille du truc. Ils sont capables de se mettre à plusieurs et d'attraper une énorme baleine comme ça. Parfois ils sont aussi un peu piqué sur le il mange que une partie de l'espèce qu'il capture. Difficile, merci. Quand il capture des requins, ils sont capables de capturer les grands requins blancs, donc c'est pour ça que c'est un peu l'apex du prédateur quand même. Ils attaquent un requin, ils vont manger uniquement son foie, et parfois sur certaines baleines, ils peuvent manger uniquement que la langue. Donc il y a des différentes choses comme ça qui arrivent. Et c'est enfin animal. Ils attaquent normalement pas l'homme dans la nature, hein. Et on voit même ces comportements se reproduire dans les parcs aquatiques où a priori ils ont quand même du poisson à volonté qu'on leur donne. Et en fait, il y a des vidéos à SeaWorld où en fait ils régurgitent un poisson qu'on leur a donné pour attirer les oiseaux. Et quand l'oiseau vient pour chauffer le poisson, il chauffe l'oiseau. Et c'est des comportements qu'ils ont a priori, certains sont nés en captivité. Je veux dire, c'est pas des choses qu'ils ont, peut-être les autres orques de l'aquarium leur ont appris, mais en tout cas, c'est des comportements de chasse qui sont recréés dans ces parcs aquatiques. Donc voilà, donc on a tous cette façon, et oui, alors je voulais juste finir là-dessus pour ça, c'est que attraper des poissons, donc les différents régimes alimentaires dépendent des groupes. Donc on a vraiment cette sorte de culture à la fois par ce qu'ils mangent, dans la façon de chasser, etc. Et on se rend compte que différents groupes qui sont à différents endroits du globe ont différentes techniques, de la même façon qu'ils ont différents sons et langages à mettre entre guillemets, évidemment. Ils ont toute cette sorte de culture qui est complètement acquise et qui est transmise de génération en génération, d'un clan à l'autre. Parlons de la fin de vie, justement, pour terminer, quand même. L'orque, c'est aussi très intéressant parce que ça fait partie des rares animaux qui ont de la ménopause. Là aussi, ça rappelle chez l'homme. On a plusieurs autres dauphins, cétacés, on va dire, plutôt que dauphins. Plusieurs autres cétacés, pas les dauphins, justement, qui ont de la ménopause, qui sont à chaque fois des espèces qui vivent longtemps, puisque l'orque vit comme nous très, très, très longtemps. Et ils ont un premier baleineau à un âge moyen de 12 ans, donc c'est quand même assez tard. Ensuite, ils ont un baleineau à peu près tous les 5 ans, donc bon, encore une fois, c'est des moyennes. Et ils ont une vie reproductive d'environ 25 ans. Vie reproductive de 25 ans, ils commencent à 12 ans, ça veut dire qu'ils ont parfois jusqu'à 30 à 40 ans derrière de ménopause pour les femelles. Ce qui est fou dans la nature quand on y pense. Et là encore, ça fait un peu penser à l'homme, ça fait penser à l'intérêt pour les orques plus âgés qui ont plus d'expérience, qui vont mener le clan. On va avoir cet investissement dans les petits qui va être beaucoup plus long. Également, donc on aura cet effet de l'expérience et le vieillissement des animaux plus vieux ici auront vraiment toute une importance sur le groupe. Et du coup, évidemment, ça intéresse beaucoup les gens de savoir pourquoi ils ont la ménopause. Il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites, etc. Voilà, c'est dernier fait assez intéressant sur ces animaux qu'on comprend encore pas trop mais qu'on essaye d'étudier de plus en plus. Et juste pour finir, je voudrais finir sur la captivité. Je pense que je vous ai raconté tout ça, ça vous fait quand même penser à mettre ces orques en captivité, ce que ça veut dire par rapport à d'autres animaux. On se retrouve à des animaux qu'on sépare de leur groupe, qu'on sépare de leur famille, qu'on met parfois avec d'autres orques qui ont été capturés ailleurs, donc qui n'ont pas du tout le même langage. En captivité, on se rend compte, je vous conseille le documentaire Blackfish, qui est sorti il y a quelques années, qui avait fait grand bruit aux États-Unis et qui est très très bien, qui est sur cette orque qui avait tué une dresseuse à SeaWorld, je crois, à Orlando. Ce qui n'arrive jamais dans la nature, mais ce qui arrive ici, parce qu'on pense qu'ils sont extrêmement frustrés, ils ont pas c'est des animaux qui quand même parcourent des distances incroyables dans la nature, donc ils sont pas, qui quand on les met dans un aquarium s'ennuient tout simplement. Il y a plein de stress qui est lié à ça. Ils vivent aussi beaucoup moins longtemps en captivité que dans la nature, en moyenne 30 ans, 20-30 ans. Ce qui est fou, c'est assez rare d'avoir des animaux qui vivent moins longtemps en captivité que dans la nature. Donc tout ça, ça fait énormément réfléchir à, est-ce qu'il faut mettre ou pas ces animaux en captivité? Sans doute que non, c'est interdit de plus en plus. La reproduction en captivité maintenant est interdite sur les orques, justement parce que plus on en apprend sur eux, plus on se rend compte qu'en fait, les garder en prison, à leur faire des tours et les affamer plus ou moins, c'est pas forcément la meilleure idée. Alors d'une manière générale pour les animaux, mais pour des animaux aussi sociaux que ça, encore plus. Donc voilà, donc ça fait un peu tout ça à réfléchir. Alors pour préparer cette chronique, j'ai en fait regardé énormément de documentaires, il y en a beaucoup, on va tous vous les mettre dans les notes d'émission, que ce soit des documentaires sur ce qui se passe à SeaWorld, sur des parcs aquatiques, mais aussi des documentaires sur leur vie. En général, il y a aussi un livre que je vous recommande qui s'appelle Of Orca and Men's de David Neuwirth. Je ne sais pas s'il est traduit, je pense que oui, il faudrait regarder, qui donne des choses un peu générales sur la biologie de l'orque, et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir un peu tout ça. Alors moi, je voulais juste rajouter une anecdote sur les orques. L'année dernière, il y a eu des attaques d'orques qui ont été très très sérieuses au large du Portugal. Oui. Il y avait des bandes d'orques qui se sont mis à attaquer des bateaux, et notamment des voiliers. Et il n'y a pas eu de pertes humaines, mais il y a eu des gros dégâts sur les bateaux. Et si vous regardez sur YouTube, justement, il y a des vidéos. Et c'est vraiment très très impressionnant. Et il y a beaucoup de gens en voilier qui hésitaient beaucoup à transiter au large du Portugal parce que c'était vraiment très sérieux. Il y en a eu plusieurs. Et les chercheurs se demandent toujours qu'est-ce qui s'est passé en fait. Alors cette année, on n'en a pas trop entendu parler, mais l'année dernière, c'était très sérieux. Et alors on pense qu'il y a eu un bug dans l'apprentissage des adolescents, en fait, et qui, tout d'un coup, se sont mis à attaquer ces bateaux, pensant peut-être que c'était, pour eux, des prédateurs. Mais il y a eu quelques frousses, quand même. Ça a été très sérieux, et c'était très, très, très impressionnant. Oui, alors, je crois que j'ai une vidéo comme ça, d'ailleurs, de ça, dans les liens que je vous mets. Alors, moi, ce que j'ai lu, du coup, j'en ai pas parlé en détail, donc merci de le rappeler, parce que c'était déjà long. En fait, alors, ce que j'ai vu des derniers trucs qu'ils disent, effectivement, c'est qu'ils pensent que c'est des adolescents, que c'est un comportement appris. Donc, c'est un truc un peu culturel pour ce groupe. J'ai lu que, ils se demandaient si à cet endroit-là, il y a beaucoup de pêche au thon bleu. Et en fait, du coup, les orques avaient appris à venir près de ces bateaux de pêche pour avoir de la free food, en fait. Parce que, en gros, pour eux, c'était super bien, parce qu'il y avait des grands filets, là, et ils pouvaient choper ce qui se dépassait. Donc, ils se demandent si c'est pas lié à ça, en fait, que maintenant, ils associent un peu les bateaux à ça, ou si c'est pas simplement, comme tu l'as dit, quelque chose de d'orque adolescent qui... Un groupe qui a appris... Ouais, c'est des ados, quoi. C'est des ados qui s'amusent, en fait. Je crois qu'ils targetent beaucoup le gouvernail, c'est ça, il me semble. Oui, c'est ça. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'ils savent que c'est toujours le même groupe. J'ai oublié de le dire ça plus haut, parce que en fait, les orques, on les reconnaît, donc à leur son, évidemment, à leur langage, mais également à leur nageoire dorsale. Ils ont des petites particularités, des marques sur la peau, etc. Donc, on est capable d'identifier chaque orque individuellement, si on connaît bien sûr le groupe. Du coup, en fait, ils savent qu'il me semble que ce groupe de Gibraltar, là, ils appellent ça les Rogue Teen, ou je sais pas quoi. C'est ça, En fait, ils sont capables de... C'est un peu toujours les mêmes, il me semble. D'accord. En tout cas, c'est des animaux fascinants, effectivement. Ah, c'est Moi, le groupe social... Non, et puis, je pense aller voir les vidéos, parce qu'on voit vraiment... Enfin, les comportements qu'ils ont, ces comportements de certains orques perdus qui cherchent le contact avec l'homme aussi, c'est vraiment... hyper bizarre, en fait. Il y a comme une espèce de... Pas de une reconnaissance, connexion, mais de connexion, ouais. Eh bien, merci beaucoup, Alexa. On va passer à des animaux insulaires, mais terrestres plutôt, je crois, avec Topo. Et je te laisse la parole. Oui, alors bon, je me présente, donc Topo, alias Pierre Kerner, maître de conférence à l'université Paris-Cité, et spécialiste de souvent de trucs dégueux, mais aujourd'hui j'ai essayé de faire quelque chose de plus propre. Je sais pas si on parlait un petit peu de l'actualité, mais je pense que j'en parlerai plutôt dans la saison, mais on a des projets sous le coude avec plusieurs membres de Podcast Science, que ce soit Alexa pour une BD ou Eléa pour un futur livre. J'en parlerai plus tard. Mais aujourd'hui, bah, figurez-vous qu'il y a quelques semaines, à l'occasion d'une réunion de famille dans une maison de location, je fouillais les étagères des bibliothèques à la recherche d'une lecture divertissante et jetais mon dévolu sur L'étoile mystérieuse, BD des aventures de Tintin que je n'avais encore jamais lue. Quel heureux hasard, car je peux aujourd'hui mettre à profit cette lecture spontanée à l'occasion d'une nouvelle réunion de famille, celle du cœur, car j'enregistre cette chronique à l'occasion de notre retraite podcast-scienteuse annuelle. En effet, en parfaite adéquation avec la thématique de cette émission, L'étoile mystérieuse évoque la création d'une île après la chute d'un aérolithe géant, comprenez météorite hein, en langage RG. Composée d'un métal inconnu, l'île se voit dotée de propriétés étranges, notamment celle de faire croître démesurément certains organismes, champignons, pommiers et araignées. C'est une première incursion du fantastique dans les aventures de Tintin, mais cette BD n'est pourtant pas totalement dénuée de fondements scientifiques, notamment à la lumière des phénomènes évolutifs ayant cours sur les îles. En effet, des organismes atteints de gigantisme sur les atolls, ça existe bel et bien. Certes, c'est moins explosif et rapide que la croissance des champignons des aventures de Tintin, mais cela reste un phénomène évolutif réel, surnommé gigantisme insulaire. Mais avant de continuer, j'ai besoin de vous poser une question urgente. Aimez-vous les caramels mous ? Oui ! Oui, parfait. Oui ! Répondez-moi, aimez-vous les caramels mous ? Oui ! Oui, oui. Alors si visiblement l'équipe de Podcast Science a la référence, peut-être que vous ne l'avez pas, c'est une question intrigante, c'est que peut-être vous n'êtes pas encore des tintinophiles aguerris, parce qu'il s'agit de la réplique du professeur Hippolyte Calice, qui voulait fêter dignement la découverte du métal composant l'aérolithe qui se précipitait sur notre planète. Ce sont les propriétés uniques de ce métal, baptisé calistène, qui entraînent le gigantisme sur l'île que visitera Tintin. Mais dans la vraie vie, c'est bien entendu les forces évolutives qui auraient engendré l'augmentation de taille de certaines espèces installées sur divers archipels à travers le globe. Parmi les exemples les plus célèbres, vous avez de terribles monstres comme les aigles géants de Haast, des rapaces de Nouvelle-Zélande qui pesaient près de 15 kg, soit deux fois plus lourd que nos plus grandes espèces d'aigles actuelles. C'est pas mal, hein ? Mais ce qui peut impressionner le plus, c'est la taille de leur proie. En effet, les aigles de Haast chassaient les moas, des oiseaux herbivores à l'apparence d'autruche, dont les plus gros spécimens pesaient près de 230 kg pour 2 mètres de haut. Parmi les volailles gargantuesques, on pourra citer l'espèce éteinte d'oiseau-éléphant de Madagascar qui mesurait lui 3 mètres de haut pour une demi-tonne, mais aussi les regrettés, bien sûr, Dodo et Dronte de Rodrigue de l'île Maurice. Mais il n'y a pas que la basse-cour qui enfle sur les îles, et vous pourrez ainsi y croiser des varans géants comme le célébrissime dragon de Komodo, les rats géants de Flores qui atteignaient un bon demi-mètre, le crabe des cocotiers qui pèse près de 5 kg pour un diamètre de 1 mètre et dont les pinces sont suffisamment puissantes pour casser des noix de coco, le weta géant de Nouvelle-Zélande qui est une sorte de sauterelle dont le corps atteint 10 cm de long, sans compter les antennes, et, pour faire plaisir à Eléa, il faut mentionner le fait que la Nouvelle-Zélande abrite même une flore qui peut atteindre des tailles colossales, comme les méga herbes de l'île Campbell ou Anderby. C'est tout pour la botanique, hein. Je vais pas plus loin. Merci, j'apprécie l'effort. J'avoue, j'ai une phrase de plus, mais bon, un peu plus tard. Le gigantisme des champignons explosifs et des araignées monstrueuses a beaucoup occupé Tintin lors de son exploration de l'aérolithe immergée, mais s'il avait eu plus de temps, peut-être aurait-il fait la découverte que certaines espèces, plutôt que de grandir démesurément, y rapetissaient de manière spectaculaire. Cela aurait en effet été le cas si Hergé s'était inspiré d'un véritable phénomène de rétrécissement que semblent subir certaines autres espèces insulaires par rapport à leurs congénères continentaux, un phénomène qu'on appelle le nanisme insulaire. Ce phénomène est particulièrement frappant lorsque les espèces évoquées sont des pachydermes, tels que l'éléphant nain du Sulawesi, le stégodon nain de Flores, l'hippopotame nain de Crète ou encore le mammouth nain de Sardaigne qui mesurait 1,4 mètre au garrot pour une demi-tonne. Vraiment un très gentil petit mammouth. Mais parmi les animaux géants qui rétrécissent, ceux qui peuvent encore plus impressionner sont bien entendu les dinosaures, comme ceux découverts dans les chaînes de montagnes roumaines de Bohême-Moravie. Alors, si on parle d'îles, il y a un petit bug. C'est que ces chaînes, qui taquinent aujourd'hui les 800 mètres d'altitude, se trouvaient, durant le Crétacé supérieur, dans la mer tétisienne alpine. C'est le paléontologue hongrois Franz Nopcsa qui a découvert un riche gisement fossile, dont les spécimens, version réduite de la plupart des spécimens de dinosaures connus de l'époque, lui auraient donné l'intuition qu'il peuplait une île, qu'il surnomma d'ailleurs Hateg, nom de la ville roumaine la plus proche. Et ça a été confirmé, aujourd'hui on sait que pas moins de 9 espèces de dinosaures et une espèce de ptérosaure semblent avoir constitué la faune endémique d'une île d'Ateg, parmi lesquelles mon exemple favori, Magyarosaurus, un titanosaure nain pesant moins d'une tonne et mesurant 6 mètres de long pour moins de 1,50 m de haut, ce qui, à mon humble avis, est la description fidèle de Denver, le dernier dinosaure. Oui. En tout cas, c'est clairement l'ADN de ces espèces de l'île d'Ateg qu'il aurait fallu cloner pour obtenir un Jurassic Park kid-friendly, plutôt que l'horreur qu'on a obtenue, permettant des balades à dos de sauropodes. Ça aurait été quand même autrement plus classe. Alors juste, Topo, je tiens à dire que tu ne peux plus rien dire contre la géologie. Pourquoi ? Bah parce que là, c'est la géologie qui a permis de... Non, ça s'appelle la paléontologie et c'est de la biologie figée dans de la roche. On s'en fout de la roche. La roche, c'est ce qui est autour, ce qui est intéressant. Tu vois ? Pas que la géologie, ouais. En gros. C'est ça, hein ? C'est un obstacle aux découvertes. Bon... Clash mis à part. Mais plutôt que de ne rétrécir que les géants, le nanisme insulaire permet aussi d'aboutir aux espèces les plus petites. Parmi les vertébrés, comme les caméléons nains, et notamment les espèces Brookesia micra et Brookesia nana, dont les plus petits individus, à peine plus grands qu'un bout de doigt, mesurent 2,2 cm de long, queue comprise. Donc c'est vraiment des caméléons, si vous regardez les petites images, qui tiennent sur un index, et c'est absolument adorable. On comprend donc que les îles semblent avoir un pouvoir bien particulier sur les dimensions de leurs habitants, pouvant parfois les gonfler et d'autres fois les ratatiner. C'est connu des évolutionnistes depuis bien longtemps et ce phénomène porte un nom, le nom de loi de Foster, du nom du mammalogiste, c'est le vrai nom des spécialistes des mammifères, le docteur J. Bristol Foster, qui a en 1964 comparé 116 espèces insulaires par rapport à leur variété continentale et formalisé les tendances au nanisme et gigantisme insulaire. C'est ensuite, en 1973, le théoricien évolutionniste Leigh Van Vallen, le même qui se cache derrière d'ailleurs le nom de la théorie de la reine rouge évoquée dans plusieurs épisodes de Podcast Science, comme l'épisode 468 Alice au pays des sciences. Donc ce théoricien évolutionniste Leigh Van Vallen, qui donna le nom à cette loi, la loi Foster, et proposa que ce phénomène évolutif était étroitement lié aux notions de prédation, ressources et biodiversité. Mais depuis sa formalisation, les évolutionnistes ont inclus cette loi dans un cadre théorique plus vaste, celui du syndrome insulaire, qui ne se focalise pas uniquement sur les dimensions des espèces impactées, mais aussi sur d'autres traits morphologiques, écologiques, voire comportementaux. Ainsi, les espèces subissant le syndrome insulaire peuvent aussi voir leur espérance de vie s'allonger, leur taux de fécondité se réduire, leur coloration devenir plus terne et leurs membres locomoteurs devenir moins efficaces. Tout à l'heure, je vous parlais des moas. Eh bien, par exemple, ces moas ont complètement perdu leurs ailes sans même présence de structure vestigiale. Il n'y a même pas un seul os à l'intérieur de leur corps qui laisse supposer qu'ils avaient des ailes. Les cerveaux des habitants de longue durée des îles ont même tendance à réduire en taille et pour certains, cela est corrélé à un changement comportemental intrigant surnommée docilité insulaire, qui ôte la crainte de larges prédateurs. Ainsi, c'est probablement la docilité insulaire qui a condamné la plupart des espèces emblématiques que l'humain a éradiquées, des îles qu'il a colonisées, moa, dodo, dronte, etc. Et c'est peut-être pour ça que la grande liste des espèces atteintes de gigantisme insulaire et voire de nanisme insulaire que je vous ai donné plus tôt, ce sont des espèces totalement éteintes, peut-être du fait des humains ou de l'introduction de prédateurs à l'intérieur des îles. Mais bon, à défaut de Callisthène, que possèdent donc toutes ces îles pour expliquer les étranges transformations qu'elles semblent imposer à leurs occupants ? La communauté scientifique n'a pas encore atteint un consensus satisfaisant à ce propos, sachant que certaines équipes de chercheurs contestaient déjà la véracité du phénomène en argumentant qu'il y avait un biais d'observation et que des études rigoureuses prouveraient que le nanisme et gigantisme continental est tout aussi répandu que celui en cours sur les îles. En gros, avant de crier au loup sur le phénomène, vérifions d'abord qu'il existe déjà. Mais à ce jour, une méta-analyse parue dans le journal Nature, Ecology and Evolution semble cependant avoir confirmé la loi de Foster, donc sur les dimensions, pour la grande majorité des vertébrés, mammifères, oiseaux, reptiles, à l'exception des amphibiens. D'autres chercheurs veulent par exemple, par ailleurs, étendre la portée du syndrome insulaire pour y inclure des régions géographiquement isolées, telles que les abysses, où l'on observe des cas de gigantisme et nanisme dits donc abyssaux, ou encore les îles célestes, c'est un très joli nom, en anglais on parle de Sky Islands, ce sont des massifs montagneux si hauts qu'ils confinent efficacement la faune et la flore locale des écosystèmes alentours. Et donc on pourrait considérer que eux aussi pourraient avoir subi un syndrome insulaire. Dès la formalisation de sa loi, Foster proposa une explication simple pour les changements de taille aux deux extrêmes des dimensions ou des habitants insulaires. Les îles, qui sont rarement peuplées de larges prédateurs, car c'est plus difficile d'accès pour eux, abritent un nombre restreint de proies, limitant aussi les ressources à leur disposition. Donc ça aboutirait à une évolution réduisant la taille des prédateurs pour approcher un optimum corporel local. De même, en absence de cette prédation, les espèces de taille réduite, elles, ne subissent plus de pression de sélection pour maintenir cette petitesse. Donc ça peut expliquer que dans les deux extrêmes, petites espèces proies et grandes espèces plutôt de prédateurs, on ait une tendance à approcher un optimum corporel. Mais à ce modèle simple, d'autres chercheurs ont ajouté d'autres forces évolutives diverses et variées, pas nécessairement incompatibles avec celles que proposait Foster, mais qui complexifient bien entendu les scénarios. Ainsi, les espèces insulaires peuvent subir une pression entre congénères plus importante. En effet, ils sont plus proches les uns des autres, et ça amène à une pression de sélection particulière. Il peut aussi y avoir une limitation des interactions entre prédateurs et proies, mais aussi pousser à des associations originales. Ainsi, sur certaines îles, des plantes recourent à des pollinisations étonnantes, puisqu'elles n'ont plus les insectes à disposition, en tout cas les insectes qui leur permettent leur pollinisation, et donc il y a certaines plantes, par exemple, qui vont avoir comme pollinisation celle qui est exercée par certaines espèces de lézards. Et pour citer, bien entendu, il y en a plein d'autres, hein, comme par exemple l'effet fondateur, c'est-à-dire que c'est juste une petite population qui peuple des îles, et donc c'est un effet génétique, ce qu'on appelle la dérive génétique, qui expliquerait qu'on ait un nanisme ou un gigantisme ou d'autres aspects du syndrome insulaire. Mais moi, bien entendu, mon explication préférée, ma pression sélective préférée parmi toutes, c'est qu'on a observé sur ces îles qu'elles étaient souvent pauvres en espèces parasitaires, et donc elles offraient des havres évolutifs suffisamment relax pour que les espèces gonflent en taille. Donc quel dommage que Tintin n'ait donc pas pu rester suffisamment longtemps sur l'aérolithe du professeur Callis pour effectuer des études évolutives plus poussées. Cependant, il aurait pu lui-même subir les effets de la loi Foster. Et déjà que Tintin n'est pas bien grand, il aurait pu réduire drastiquement en taille à l'instar d'une espèce d'humain découverte sur l'île de Flores et surnommée le Hobbit. Homo florentiensis, de son nom scientifique, était en effet une espèce humaine qui vivait entre 190 000 et 50 000 ans sur l'île indonésienne de Flores, et c'est un cas d'école du syndrome insulaire. Non seulement il est petit, moins d'un mètre 10 de haut, mais en plus il a un cerveau de petite taille. Les hobbits étaient pourtant capables de construire des outils, ce qui pose beaucoup de questions d'ailleurs aux paléontologues et aux spécialistes de l'évolution humaine, puisque même malgré un petit cerveau, ils étaient quand même capables de construire des outils. Et à l'instar des autres espèces humaines peuplant la planète à cette époque-là, Sapiens, Néandertal, Denisova, etc., ils étaient capables de chasser, par exemple, chasser les pachydermes nains de la région. Il est dommage en tout cas qu'Hergé n'ait pas assisté à la découverte de Homo floresiensis, les restes de cette espèce, car j'imagine volontiers les interactions entre des pygmées chasseurs de mammouths nains, pourchassant Tintin et le capitaine Haddock, qui les auraient certainement probablement traités de bougres de zouaves, anthropopithèques et nabos des îles. Excellent. J'avais une question pour Alexa, il y a des exemples de ça pour les chauves-souris, du nanisme et du... Oui. Bonne, oui, il y en a, ouais. Ouais, il y a des espèces... alors bon, les chauves-souris, donc j'étais au congrès international des chauves-souris la semaine dernière. Le problème, c'est que la phylogénie change un peu tout le temps, et puis il y a des espèces qu'on... Genre, il y a un groupe d'espèces maintenant qui est un petit peu éclaté, donc des trucs qu'on mettait dans la même espèce avec une naine et une grande, maintenant sont des espèces séparées, mais on pense qu'il y a ce genre d'effet, oui, qui intervient. Pas pour toutes, il y en a certaines qui... sont pareils sur le continent et les îles, mais dans les Caraïbes, il y en a des différences. Après, on ne sait pas... Il y a aussi du brassage génétique quand même, parce que les chauves-souris, par exemple, il y en a de Cuba qui ont été retrouvées en Floride. On pense que c'est pendant des ouragans qu'elles se sont fait emporter. On imaginait une chauve-souris dans un ouragan, c'est assez drôle. Mais il y en a certaines où il y a de l'isolation génétique, certaines non. Donc voilà, il y a certains effets qu'on voit et je pense que oui, c'est réel pour certaines espèces, pas pour toutes en tout cas. Et j'avais une autre, c'est plus une question qu'une remarque, c'est que tu as cité Tintin sur le nanisme, surtout le gigantisme insulaire, mais c'est vrai qu'il c'est très présent dans la littérature. Il y a King Kong, qui est ce genre de truc, tu as le monde perdu de Conan Doyle, tous ces trucs avec les mondes perdus, les mondes, les îles où dedans il y a des animaux immenses, etc. Au 19e siècle, ils sont... Je pense que c'est lié notamment à toute la découverte de faune des îles qui est arrivée tardivement dans la culture européenne et dans lequel, si tu considères par exemple que l'Australie c'est l'une des plus grandes îles du monde, le choc quoi, de voir les marsupiaux, les ornithorynques, c'était des mondes à part entière. Et au-delà des phénomènes particuliers de l'évolution des îles, quoi qu'il en soit, comme il y a une isolation des populations locales, il y a souvent un phénomène, c'est une observation, c'est pas un phénomène, c'est qu'on appelle ça des faunes et des flores endémiques des îles, qui sont totalement différentes de celles qu'on peut observer sur les continents, et donc qui foisonnent d'une diversité absolument pas retrouvée ailleurs dans le reste du continent. Donc c'est ça qui aussi est très très intéressant pour les naturalistes et qui titille l'imagination, notamment avec la découverte parfois d'espèces, surtout fossiles, complètement hallucinantes. On pense même que ça peut avoir influencé la culture humaine, notamment, je vous ai cité des grands pachydermes qui sont atteints de nanisme sur certaines îles européennes, la Crète, la Sardaigne, Chypre, etc. Et je me demande si c'est la Chypre ou Sardaigne, il y a une espèce d'éléphant, enfin même de mammouth, dont le crâne réduit à une sorte d'énorme cavité là où il y a la trompe. Quand on regarde le crâne, on a véritablement l'impression de voir un énorme crâne d'un humain avec un seul orbite, alors que c'est pas du tout le cas, et qui aurait peut-être entraîné le mythe du cyclope. Donc il y a deux théories pour comprendre d'où vient le mythe du cyclope. L'un, c'est les mammouths nains de certaines îles près de la Grèce et en Méditerranée. Et l'autre, c'est des humains qui sont atteints de cyclopie, certaines malformations. Merci Topo. Et donc nous allons passer à la chronique d'Eléa, qui va nous parler, pour une fois n'est pas coutume, non pas de botanique, mais de génétique. Oui, c'est mon tour. Donc moi, c'est Eléa, et je suis biologiste aussi. En ce moment, j'ai un projet de recherche qui concerne les propriétés médicinales de la famille du chou. Ne vous moquez pas, c'est un vrai sujet. C'est chou. Et c'est chou. Et j'apprends la botanique à côté, donc je suis un diplôme de botanique en parallèle, et je suis aspirante padawan botaniste. Voilà. Et donc, c'est à mon tour de vous envoyer, de vous emmener en voyage dans le monde fantastique des îles. Et j'aurais pu vous parler pour ça d'un lieu, d'un écosystème, de plantes, comme d'habitude. J'aurais pu vous dire qu'une île flottante n'était pas seulement un dessert à base de crème anglaise et de blanc en neige battu dans le sucre et poché dans le lait, mais aussi un amas de sphaigne, un type de mousse que l'on trouve dans les tourbières et qui est parfois si épais qu'il flotte comme un radeau, pouvant supporter le poids de plusieurs humains. Ça sent quand même la frustration. Elle a envie quand même. Ouais. J'en ai d'ailleurs fait l'expérience ce printemps pour mon diplôme de botanique, et c'est assez curieux de pouvoir se tenir sur un socle mouvant qui s'enfonce lorsqu'on reste au même endroit. C'est un écosystème assez particulier dont je pourrais vous parler des heures, hein, avec des plantes carnivores que vous connaissez peut-être, comme les droseras à feuilles rondes, ces fameuses plantes qui piègent leur proie grâce à des poils gluants qui se rétractent autour des insectes pour les digérer, ou encore les utriculaires, ces plantes à aspirateur aquatique qui piègent leur proie dans des chambres vraiment à aspiration mécanique. Dès qu'une proie s'approche, ça fait un aspirateur. Dans les tourbières, on trouve aussi des plantes assez emblématiques comme les linaigrettes, qui sont de la famille des joncs et dont les fleurs produisent des soies assez aériennes qui rappellent un peu le coton. Et c'est ce qu'on utilisait en Europe pendant la Première Guerre mondiale, à la place du coton, puisque le coton était importé d'Amérique. Mais bon, bien que cette histoire ait vertu d'anecdote rigolote et que ça vous fait un peu voyager, ça ne me fait pas une chronique complète, donc j'ai décidé de vous parler un peu de génétique. Parce que finalement, ça fait longtemps, et je suis sûre que ça vous a manqué. Parce que les biologistes cellulaires et moléculaires parlent assez souvent d'île, et même d'îlo, plus précisément. Oui. Et oui. Donc, si on regarde la définition d'une île, c'est une masse de terre entourée d'eau, de façon temporaire ou permanente. On comprend qu'une île, c'est quelque chose de plutôt isolé, quelque chose de différent du reste de la terre émergée en permanence, quelque chose qui n'est pas relié. Et c'est une métaphore suffisante pour qu'on l'applique en biologie moléculaire et cellulaire. Souvent, on parle des îlots de Langerhans, par exemple, dans le pancréas, qui vient du nom de Paul Langerhans, un scientifique du 19e siècle. Pourquoi on parle d'îlots ? Parce que ce sont des petits groupes de trois types de cellules différentes, alpha, bêta, delta, qui sécrètent respectivement trois types de molécules différentes, le glucagon, l'insuline et la somatostatine. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça vous rappelle peut-être de lointains souvenirs de l'école. L'insuline et le glucagon, c'est qui sont produits par les cellules bêta et alpha, ça permet de gérer le stockage et la libération des sucres que l'on consomme pour maintenir une glycémie, c'est-à-dire un taux de sucre à peu près constant dans l'organisme. Chez les personnes diabétiques, la sécrétion d'insuline peut être soit complètement arrêtée en raison d'une destruction des cellules bêta par le système immunitaire, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 1, ou alors moins efficace, c'est en général le diabète de type 2 qui représente heureusement la majorité des cas et qui est moins grave. Dans le diabète de type 1, les personnes sont maintenues en vie uniquement parce qu'elles ont accès à des injections d'insuline régulières, et elles ont d'ailleurs la possibilité de porter des pompes qui surveillent leur glycémie en temps réel, et qui injectent des petites doses d'insuline adaptées en continu pour maintenir le niveau de sucre le plus stable possible. Alors quand elle dit porter des pompes, ce n'est pas des converses, hein. C'est ça. Mais les îlots dont j'aimerais le plus vous parler ce soir, ce sont les îlots génomiques. Alors avant de me lancer sur le sujet, je vous fais quand même quelques petits rappels conceptuels pour qu'on soit d'accord sur ce dont on parle. Dans l'épisode 355 de Biologie moléculaire, je vous expliquais que le point commun de tous les êtres vivants, c'était de disposer d'informations génétiques stockées sous la forme d'ADN, acide désoxyribonucléique, le seul mot que vous ne pouvez pas rentrer sur un plateau de Scrabble, et sous forme d'un brin enroulé en hélice. Et cet ADN, il est composé de quatre briques différentes qu'on appelle les nucléotides, adénine, thymine, cytosine, guanine, abrégé A, T, C, G. Et la façon dont cette information est stockée et lue varie légèrement selon l'organisme que l'on regarde, mais grosso modo, tout le monde fonctionne selon les mêmes principes. Sur ces molécules d'ADN, on trouve une information qui va être régulièrement recopiée sous la forme d'un ARN messager lors d'une étape que l'on appelle la transcription, puis ensuite décodée sous la forme d'une protéine lors d'une étape qu'on appelle la traduction. Cette portion d'ADN-là, on appelle ça l'ADN codant. Et puis à côté, il y a tout un tas de régions d'ADN qui ne donnent pas forcément de protéines et qu'on appelle l'ADN non codant. Autrefois, les biologistes appelaient même ça l'ADN poubelle, parce qu'on ne savait pas à quoi ça servait, mais on s'en rend compte de plus en plus que ces régions non codantes servent également à plein de choses. Et donc l'ensemble de l'ADN d'un organisme qui code ou qu'il code pas, hein, l'ADN codant comme l'ADN non codant, est désigné par le terme génome. Donc voilà, je vous ai reposé vite fait les bases de la biologie moléculaire pour que vous compreniez les termes de la suite. Alors vous savez aussi qu'il y a plusieurs types d'êtres vivants. Il y a des organismes dans lesquels l'information génétique est stockée dans un noyau, ce sont les eucaryotes. L'ADN, il est segmenté et réparti en différents chromosomes lorsqu'il est compacté, et le nombre et la taille des chromosomes changent selon l'organisme. Chez les bactéries qui n'ont pas de noyau, ça se passe un peu différemment, mais le principe est toujours le même. L'ADN est stocké sous la forme d'un seul chromosome principal circulaire et de quelques petits ADN circulaires annexes qu'on appelle les plasmides. Pourquoi je vous parle de bactéries? Parce que les bactéries, il y en a plus sur un corps humain que de cellules de corps humain, et l'écosystème qu'elles forment sur le corps humain détermine aussi bien notre bonne santé que les maladies qu'on va contracter. Toutes les bactéries ne sont pas pathogènes, mais certaines peuvent le devenir. L'une des plus célèbres, dont on parle souvent, c'est Escherichia coli, qui est en principe une bactérie digestive qui vit tranquillement dans nos intestins de façon qu'on appelle commensale, c'est-à-dire qu'elle ne nous fait pas grand-chose d'autre que de squatter là et d'occuper l'espace, ce qui a l'avantage de ne pas laisser de place à des bactéries moins sympas. Mais certaines souches de cette Escherichia coli sont pathogènes et peuvent provoquer des diarrhées, des troubles urinaires, des méningites, etc. Et ces bactéries, qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Elles possèdent des sortes d'armes secrètes, ce qui les rendent parfois létales. On peut appeler ça des facteurs de virulence dans le jargon. Je vous donne un exemple concret. Une souche d'Escherichia coli étudiée dans les années 80 produisait une protéine qu'on appelle l'hémolysine, et qui a pour effet de s'insérer dans les membranes des globules rouges des hôtes, ce qui fait des trous dans les globules rouges qui font littéralement éclater les cellules. Je vous parle de celle-ci parce que c'est celle-ci qu'on a étudiée pour parler d'ILO. Alors, ces bouts d'information qu'ont les bactéries, ils peuvent se transmettre à d'autres bactéries directement, sans passer par des divisions ou de la reproduction sexuée, par du sexe. On appelle ça la conjugaison. Beaucoup de gènes qui sont impliqués dans l'apparition de résistance aux antibiotiques, par exemple, ou qui sont impliqués dans le fait qu'une bactérie devienne pathogène, se transmettent de cette façon. Mais il y a également beaucoup de gènes qui sont impliqués dans le fait qu'une bactérie soit nocive, qui sont portés par le chromosome principal. Et très rapidement, en génétique, les chercheurs ont essayé de comprendre et d'étudier la façon dont ces bactéries devenaient dangereuses ou se transmettaient leur capacité à être pathogènes. Et donc, la souche dont je vous parlais, d'Escherichia coli, qui était étudiée dans les années 80, l'équipe qui l'étudiait s'est rendue compte que la fameuse hémolysine, elle était portée par le chromosome principal dans des régions très particulières qu'ils appelèrent les îles à hémolysine, puisque ça concernait une seule petite partie du génome. Alors, ils se sont rendus compte rapidement qu'il y avait d'autres gènes qui permettaient à cette bactérie d'être pathogène et qui étaient localisés à peu près au même endroit, dans les mêmes régions du génome. Et à partir de là, on a commencé à utiliser le terme, du coup, d'îlot de pathogénicité. En anglais, ils appellent ça les Pathogenicity Islands, qui sont abrégés PAIS, ou PAI. Et donc, c'est un terme qui s'est popularisé dans la littérature. Mais globalement, un îlot de pathogénicité, c'est donc une région du génome qui contient plusieurs gènes qui sont liés à la virulence de la bactérie, qui sont présents dans le génome des bactéries pathogènes mais absents des souches non pathogènes, et qui sont en général organisées en petites unités de gènes compacts qui sont réparties sur une région plutôt importante qui a la particularité d'être instable puisqu'elle est bordée par des séquences d'ADN répétées ou des séquences qui sont associées à la mobilité. Il faut savoir que certains éléments génétiques sont capables de sauter dans le génome, soit en étant coupés et collé ailleurs, soit en étant en copié et recopié ailleurs. Donc, toutes les bactéries, plus ou moins pathogènes, on s'est rendu compte qu'elles portaient ces îlots de pathogénicité. C'est le cas de Yersinia pestis, la bactérie qui est responsable de la peste. C'est le cas du staphylocoque doré, dont on entend souvent parler pour les infections dans les hôpitaux et autres. Mais avec les progrès du séquençage du génome, puisque maintenant on peut désormais séquencer et annoter même des grands génomes en l'espace de maximum quelques semaines, les scientifiques se sont rendus compte que les îlots génomiques s'étendaient à bien plus de fonctions que juste la virulence. On retrouve des îlots qui correspondent à des facteurs importants pour la symbiose, pour le métabolisme des bactéries, pour la résistance à certains environnements. Et donc, on retrouve par exemple des gènes de résistance de bactéries qui vivent dans des milieux riches en fer, riches en métaux lourds, etc. Donc, il y a tout un tas de ces gènes qui permettent aux bactéries de s'adapter à toutes les situations. Et ces îlots génomiques, ils peuvent être transmis par des bactéries entre elles ou par des virus de bactéries qu'on appelle les bactériophages. D'ailleurs, les gens qui travaillent dans l'évolution se sont vite rendus compte qu'au-delà du fait de pouvoir avoir des mutations ponctuelles quand on recopiait l'information, lorsqu'un organisme se divise, le fait qu'il y ait de grandes régions génomiques comme ça qui puissent être transférées, dupliquées, tronquées, modifiées, eh ben c'était un moteur très efficace pour l'évolution des espèces de bactéries. Et c'est probablement ce qui explique leur succès évolutif et qu'on les trouve un peu partout sur la planète. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Sinon, je continue. Tu décris quand même des trucs là qui sont relativement récents, j'ai l'impression. À quel point c'est récent? Est-ce que, par exemple, toi, tu as appris ça à l'école ou est-ce que c'est... Ça date des années 80, les îlots de pathogénicité. Et le fait qu'on les décrypte vraiment, ça date plutôt depuis les années 2000, à partir du moment où on a fait des progrès sur le séquençage, où on a pu comparer des génomes vraiment avec des outils informatiques un peu perfectionnés. Pour vous dire à quel point c'est vieux, je l'ai appris à la fac. Oui, on en parlait déjà à la fac. C'était pas un sujet d'étude, je pense, aussi développé encore à la période où on a fait nos études. Ouais, c'était Pierre que et orienté moi. Pathogénicité, je pense. Ouais. Ouais. Et maintenant, on découvre que c'est aussi des gènes d'adaptation, etc., et qu'il y a plein de choses liées à l'environnement et à l'évolution dans l'environnement chez les bactéries qui sont liées à des îlots, comme ça, génomiques. Et est-ce qu'on trouve ça uniquement chez les bactéries ou chez les virus aussi, par exemple ? Pour les virus, comme c'est des très petits génomes, c'est pas exactement les mêmes paramètres, donc on parle pas vraiment d'îlots de pathogénicité, mais il y a des facteurs de virulence, c'est-à-dire qu'il y a que quelques gènes dans le génome des virus qui sont là et qui restent présents. Le génome d'un virus, c'est vraiment tout petit, donc... Et de base, le virus est toujours, d'une certaine manière, parasitaire, alors que la bactérie peut, pour la plupart, se débrouiller sans avoir cette notion de parasitisme, quoi. Donc, il y a pas exactement les mêmes contraintes. Pratiquement tout le génome du virus doit être efficace pour sa propre reproduction, et c'est pas le cas pour les bactéries. Ouais, d'accord. Puis t'as des overlaps aussi sur les génomes de virus, non? Il me semble que t'as pas des bouts d'ADN qui peuvent faire deux protes en même temps ou des choses mais comme oui, ça. Mais oui, voilà, c'est si, ça. Exactement, c'est exactement. C'est très compact. C'est pas du tout la même logique. En gros, comme l'ADN est double brin, et ben les séquences d'ADN de virus, elles peuvent souvent être lues dans les deux sens, et du coup, il y a plusieurs protéines qui peuvent être décodées à partir des deux brins différents. Voilà, c'est assez assez foufou. J'avais un microbiologiste parmi mes profs, le professeur Forter, qui avait fait une analogie que je trouvais vachement pertinente. Il avait dit si on peut comparer l'efficacité des génomes. On a le génome des animaux, des eucaryotes, etc., qui sortent une sorte d'usine à gaz, etc., qui fonctionne bien, mais où tu as des trucs, si tu regardes, tu sais pas trop à quoi ça sert. Puis tu as les génomes des bactéries, où tu as l'impression de voir une calculatrice, quelque chose qui est très très efficace pour la fonction. Et t'as les virus où c'est un Tamagotchi, ça fait très très bien un truc, quoi. Ah ouais. Tamagotchi. Ah, c'est rigolo, quand même. Donc l'âge de Pierre, vu que... Oh, ça va. Comme exemple des Tamagotchi quand il est à l'université. Sois pas désolé. Nous excusons auprès de nos plus jeunes auditeurs pour faire sur Wikipédia ce que c'est. On a des références douteuses. Alors, si on zoome encore un peu dans le génome et qu'on prend des portions d'ADN plus petites, entre quelques centaines et quelques milliers de nucléotides consécutives, on parle de paires de bases en biologie moléculaire, parce qu'on aime bien le jargon, on peut aussi parler d'îlots. Et on a par exemple des îlots qu'on appelle les îlots CPG, qui sont très connus. Il s'agit de régions dans lesquelles la concentration de nucléotides C et G, donc les briques cytosine, guanine, sont plus concentrées qu'ailleurs dans le génome. Alors pourquoi ces zones sont intéressantes? Parce que chez beaucoup d'eucaryotes, l'association C-G, elle est reconnue par des enzymes qui sont capables de décorer les cytosines et d'y rajouter un groupement chimique à 3 hydrogènes, 1 carbone, qu'on appelle un groupement méthyle. C'est ce qu'on appelle la méthylation. Et ces enzymes, c'est des méthyltransférases. Et cette modification, elle est souvent basée sur des régions en amont des gènes, avant les gènes, qu'on appelle des promoteurs, et c'est souvent associé à l'extinction d'un gène. Un gène peut être lu ou pas lu. Quand un promoteur en avant d'un gène, il est méthylé, en général, le gène n'est pas lu. Alors, je dis en général, dans certains cas, c'est la présence de la méthylation qui va permettre de déclencher l'expression des gènes ou du groupe de gènes. Comme souvent en biologie, il y a beaucoup de cas particuliers, mais disons, c'est plus connu pour éteindre l'expression du gène. Alors, pourquoi ça existe, ça? Le fait de rajouter ce contrôle, ça permet plus de flexibilité dans l'expression des gènes. Vous n'avez pas juste une information qui va être lue tout le temps, vous allez avoir une information qui va permettre de maintenir des gènes éteints à certaines étapes du développement, par exemple, puis de les allumer plus tard. En gros, ça décuple encore les combinaisons d'expression de gènes et ça permet de s'adapter plus facilement à un environnement donné avec des gènes qui ne devraient s'exprimer que dans certaines circonstances, de température, par exemple. On avait parlé de certains exemples dans l'épisode 372 avec Pierre, où on donnait l'exemple de la détermination du sexe chez les tortues. Et donc, tout ça, c'est le domaine qu'on appelle l'épigénétique. Alors là-dessus, justement, je pense que tu vas pas en parler parce que c'est assez récent et que j'ai le conducteur sur les yeux, donc je sais que tu vas pas en parler. C'est qu'il y a aussi une découverte assez récente et qu'on utilise dans mon labo, donc c'est pour ça que je suis au courant aussi. La méthylation de certains de ces îlots très particuliers dans le génome est liée au vieillissement. Et aujourd'hui, on a des horloges de méthylation qui sont tellement précises, où on connaît ces locus précis, qu'en regardant l'état de méthylation de ces sites, on est capable de prédire à plus ou moins un an l'âge de n'importe quel mammifère, quasiment, à quelques rares exceptions. Mais genre, ça veut dire que si je te prends un petit bout d'ADN, Eléa, aujourd'hui, je fais passer ça dans cette horloge de méthylation, je suis capable de dire quel âge tu as à plus ou moins un an près. Il faudra en faire une émission parce qu'il y a eu pas mal de papiers fondamentaux là, qui sont parus sur ce sujet-là. Ouais. Et donc, le lien entre vieillissement, ouais, espérance de vie, méthylation, épigénétique, etc. Ça, j'ai l'impression qu'en 2-3 ans, là, on a eu un boom de papiers immense dessus. Ouais. Oui, c'est un chercheur qui est à UCLA, Steve Horvath, qui a développé ces horloges de méthylation. Et qui, ouais, au départ, c'était juste sur une ou deux espèces et puis... Ça ferait un super épisode à 6 mains. Oui. Donc voilà, analyser le niveau de méthylation de ces îlots CPG, c'est désormais prédicteur de plein de choses, donc dont le vieillissement. C'est aussi prédicteur du risque de développer certains cancers, et il y a de plus en plus d'associations qui sont possibles entre des aberrations du niveau de méthylation par rapport à un état normal avec des maladies. Donc plus que le séquençage du génome, le séquençage de l'épigénome, c'est-à-dire l'ensemble des modifications chimiques du génome, en plus de la séquence, c'est à présent possible et il y a plein d'équipes de recherche qui font des découvertes sur le déclenchement et la progression des maladies grâce à des facteurs qu'on n'envisageait même pas auparavant. Par contre, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. je peux témoigner aussi pour avoir travaillé dans un laboratoire d'épigénétique que c'est vraiment pas un sujet évident. C'est touffu, ça demande de la technicité et du matériel assez délicat à manipuler. C'est très sensible aussi, donc c'est des expériences qui sont difficiles à reproduire, donc il faut les reproduire vraiment plusieurs fois, faire des statistiques et tout. Enfin bon, bref, c'est très délicat. Et surtout, ça change pour un rien, donc en fait, vous n'êtes jamais exactement dans les mêmes circonstances d'expérimentation. Donc c'est vraiment un sujet, mais passionnant. Donc pour en apprendre plus sur l'épigénétique, vous aurez des sources en note d'émission. Alors pourquoi c'est important? Parce que oui, ce sujet, ça peut vous paraître moins sympa que les baleines, mais c'est ou que les orques, mais c'est une illusion. Les îlots génomiques, c'est un gros sujet pour les bactéries. On en parle peu, ou en tout cas moins que les maladies qui nous touchent directement, comme le cancer. Mais la résistance aux antibiotiques, c'est un problème majeur dans le monde, et on estime que d'ici 2050, ce sera la plus grande cause de mortalité devant toutes les autres maladies. C'est flippant ce que tu racontes quand même, ça veut dire que c'est quasiment, il y a une bonne probabilité que c'est de ça qu'on meurt en fait. mais c'est pour ça que du coup on essaye de continuer à comprendre comment ça fonctionne les bactéries, on essaye de continuer à faire des efforts de recherche dans le domaine des substances antibiotiques, et on aura d'ailleurs encore besoin de botanistes dans le futur pour identifier la plante qui nous sauvera tous. C'est le chou. Voilà. Suivi. La potée. C'est la choucroute. Donc les plantes, voilà, mais aussi les génomes de bactéries. Et en identifiant les armes qu'elles ont pour se multiplier et infecter des organismes, on pourra élaborer des stratégies pour les contrer qui ne reposent pas forcément non plus sur les antibiotiques. De la même façon, en comprenant les composantes donc épigénétiques de l'apparition de maladies comme le cancer, eh ben on parviendra peut-être à prévenir leur développement dans le futur, ou à élaborer des traitements qui ciblent particulièrement l'état de méthylation, d'activation de certains gènes qui promeuvent le cancer, et donc de tuer un cancer dans l'œuf avant qu'il se produisent. Donc voilà, en résumé, les îles, c'est aussi un concept applicable à la biologie cellulaire et moléculaire à de toutes petites échelles. À chaque fois, ça fait référence à des zones isolées, légèrement différentes du reste, et dans tous les domaines, donc, le concept de l'île véhicule une certaine image de l'exotisme et de l'inconnu. C'est peut-être pour ça que c'est un sujet aussi excitant, même pour les biologistes. Bravo, bravo. Merci. Bravo. Oui. C'est Koh-Lanta, en fait. Vive la soupe aux choux. Hein. Voilà. Merci Léa. Ouais, merci super. Léa. Merci Léa. Nous allons donc passer maintenant pour la chronique suivante à Irène, qui va donc nous parler d'îles un peu spéciales. On pourrait même les qualifier d'îles vivantes. Et du coup, je te laisse te présenter rapidement avant de nous parler de ces îles vivantes. Oui, eh bien, je suis Irène. Je fais partie du podcast, ça fait quelques années, mais je suis très émue d'être là ce soir, parce que ça fait quelques années que je ne... Enfin, quelques temps, donc pas quelques années, mais quelques temps que je n'ai pas participé de façon... en temps réel à un podcast, et je suis un petit peu émue ce soir. Je suis biologiste aussi, mais plutôt, j'ai fait beaucoup de recherches plutôt en... J'étais plutôt dans les technologies, dans les nanotechnologies, mais j'ai aussi une casquette de biologiste médicale. Et c'est plutôt celle-là que j'utilise en ce moment. Ceci étant dit, j'ai récemment décidé de faire le tour du monde en voilier. Allez. Voilà, on va lancer le bébé tout de suite dans l'eau. Et donc, j'ai commencé il y a quelques mois. Et du coup, ça va modifier un petit peu ma participation au podcast, hein, en ce sens que ce que je vais faire, c'est plutôt vous envoyer des cartes postales, comme a suggéré Léa, c'est un joli nom. Vous envoyez des cartes postales qui illustrent un peu ce que je découvre au cours de ces voyages. Et il y a énormément de belles choses, et j'espère pouvoir vous les faire partager. Et donc ce soir, je vais vous parler d'organismes que j'ai rencontrés sur les mers et qui, je trouve, sont fascinantes. Alors je vous dis tout de suite, pour moi, elles ont des noms féminins. Donc ça va être elles. Et je les ai trouvées fascinantes et intrigantes. Et de fait, j'aimerais bien vous en parler ce soir. Alors, on dirait bien des îles flottantes, vraiment, mais ce ne sont pas des desserts. Et en fait, ce ne sont pas des vraies îles non plus, parce qu'elles flottent. Elles flottent vraiment sur l'eau. En revanche, on en trouve beaucoup, beaucoup. Et en ce moment, on les trouve énormément, notamment échouées sur les îles comme la Corse et ou les Açores. On en voit aussi énormément qui flottent autour des îles et qui viennent s'échouer souvent portées par les vents sur les plages. Et comme, encore une fois, ce sont des créatures vraiment intrigantes, donc ce soir, je voudrais vous parler de deux espèces animales qui sont peu connues, les vélèles et les physalies. Et donc, la Corse et les Açores, ce sont deux étapes de ton tour du monde. C'est ça. C'est ça, pour ne rien vous cacher. Et Belle-Île, où et elle Belle-Île. Nous a rejoint en voilier. Voilà. Est-ce qu'on a vu des physalies et vélèles sur Belle-Île? Ben, je ne sais pas encore ce que c'est. Je te répondrai peut-être à la fin. C'est possible, c'est pas impossible, hein, mais elles sont un petit peu trop au nord, probablement. Alors, ce sont des animaux qui ont en commun de flotter sur les mers et d'être dirigés, à ce titre, par les vents et les marées. Et de fait, on en voit énormément lorsqu'on navigue. Ce sont des organismes qui flottent, donc, et qui font partie de ce qu'on appelle le neuston, parfois, ou le plecton, c'est-à-dire l'ensemble des organismes vivants, généralement très petits, qui vivent habituellement au-dessus ou au-dessous du film de surface des eaux calmes. Je ne connaissais pas ça. Alors, les vélèles et les physalies appartiennent au groupe des cnidaires. C'est un groupe d'animaux aquatiques qui sont urticants, notamment pour l'homme. Et cet embranchement des cnidaires regroupe notamment, plus communément et plus connu, donc, les anémones de mer, les méduses et les coraux. Ils ont en commun de posséder des cellules capables de vous lancer un minuscule harpon urticant pour attraper leur proie ou se défendre. Cellules que l'on appelle le nématocyste ou le cnidocyste. Donc, quand vous allez caresser une méduse, la réaction, ça va être, ou pas, c'est cette réaction urticante vient de ces cellules, les cnidocystes. Donc, quand on se fait piquer par une méduse, en fait, c'est une sorte de petit harpon qui rentre et qui reste sur notre peau. Oui, mais je vais en parler tout de suite. C'est ça. Donc, le cnidocyste, qu'est-ce que c'est ? C'est une cellule, on va dire, explosive. En fait, elle a la forme d'une sorte, pour simplifier évidemment, une vésicule dans laquelle se trouve un filament urticant. Avec, c'est comme un petit harpon qui est enroulé sur une tige et il est pointé en bas. Et l'extérieur de cette cellule est équipé d'un cil. Et lorsque vous touchez ce cil, en fait, lorsque ce cil entre en contact avec votre peau ou un petit poisson ou une proie, eh bien, en fait, c'est une grande quantité de calcium qui est contenue dans la vésicule qui va passer dans le cytoplasme de la cellule. Autrement dit, ça va créer une réaction mécanique. Hein, ça fait un gros gradient osmotique, une pression énorme. Ça fait un appel d'eau dans la cellule avec une forte augmentation de volume. Et cette augmentation de pression qui va avec, ça va obliger le filament à se renverser et être éjecté en même temps que la cellule, de la vésicule, pardon. Et c'est ça qui va, c'est ce petit, c'est ce filament urticant qui va créer la réaction de brûlure qu'on peut sentir parfois. Alors, ce qui est quand même impressionnant, c'est que la décharge, elle prend quelques microsecondes et ça peut atteindre des accélérations d'environ 40 000 G. Le truc de fou, quoi. dans certaines publications, on a vu que ça pouvait prendre 700 nanosecondes avec une accélération de 5 410 000 G. Non, mais le truc incroyable, quand même. Je vous recommande d'ailleurs, il y a une vidéo d'un vidéaste qui s'appelle Smarter Everyday et qui a utilisé une caméra très, très, très rapide pour pouvoir enregistrer justement le déclenchement de ces cnidocystes. D'une anémone, il a pris un bras d'anémone mis entre lame et lamelle. Bien que enlevé de l'anémone, elle restait urticante parce que c'est vraiment un réflexe. C'est pas. C'est mécanique. Ouais, voilà, c'est ça. C'est mécanique. C'est pas un neurone. Ouais. Elles ont pas besoin de réfléchir pour pouvoir faire ça. De toute façon, ça réfléchit pas trop une anémone, faut le dire. Mais ils ont déclenché ça et on voit. Ah oui, il faudrait que j'aille voir ça. Ah, ouais. Sublime, ouais, c'est sublime. Alors, ce sont des cellules à usage unique. Hein. Ça coûte énormément d'énergie aux propriétaires. Mais c'est efficace. Alors les cnidaires, ça existe sous deux formes. Les formes fixées que l'on appelle les polypes, donc font partie notamment ce qu'on voit notamment sous forme de corail ou d'anémone de mer. Et puis on a les formes libres et qui sont plutôt mobiles, ce sont les méduses. D'ailleurs le nom de polype, ça vient du grec, hein, poly beaucoup et pou pied. Donc, dans un polype, c'est une structure globale. C'est comme une bouche centrale avec des tentacules tout autour. Et c'est important de le préciser parce que finalement, les vévelles et les physalis, ce sont des polypes. Ce qui est quand même surprenant, c'est qu'en théorie, ça devrait être fixé. Mais non, en fait, ils flottent. Mais c'est parce qu'en fait, leur structure, c'est bien celle des polypes. Donc, ces polypes qui ressemblent à une sorte de tube fixé grâce à un pied. Donc cylindrique avec à leur sommet un orifice qu'on peut appeler la bouche qui est entouré de tentacules, mais en fait ça sert de bouche et d'anus en même temps. Et donc dans le cas des vélèles et des physalis, ces polypes ils vont s'organiser pour former des colonies, ce qu'on appelle des superorganismes. Et parce qu'il y en a plusieurs types de polypes, c'est ça qui est aussi intéressant, on va le voir, dans chaque individu de vélèle ou de physalie, il y a 4 types d'individus, en fait, qui sont spécialisés dans leur fonction. C'est un peu comme des briques de Lego, en gros, ces polypes. T'en as diverses formes, mais c'est à peu près le même principe pour toutes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, notamment, on va le voir. Mais en ce qui concerne leur reproduction, ils ont à la fois une reproduction sexuée et non sexuée. Mais il faut savoir que certains polypes renferment sont dédiés à la reproduction et ils vont avoir leur matériel génétique qui est enfermé dans une structure un peu compliquée qui s'appelle le gonodendron et qui va contenir ces cellules sexuelles, donc les équivalents pour nous du spermatozoïde et de l'ovule, donc ce qu'on appelle les gamètes, mâles et femelles. Et la fécondation va avoir lieu quand il va y avoir rencontre évidemment de ces deux gamètes. Et parfois, en fait, il y a une auto-fécondation, c'est-à-dire que les gamètes proviennent du même individu. Parfois, ça peut être une fécondation croisée. Et du coup, c'est un clonage quand c'est le même individu ou pas ? Non, parce qu'il y a un brassage génétique quand même dans la formation des gamètes. Voilà. Alors, un peu plus précisément, passons donc aux Vélèles qui ont le joli nom de Véléla, Véléla. Alors, on en voit énormément en Méditerranée. Si en ce moment, vous allez passer vos vacances en Corse, ou j'imagine même dans le sud de la France, vous en verrez énormément qui vont s'échouer sur les plages. On dirait, sur les plages, quand elles sont échouées, ça fait des énormes plaques poudreuses. Parfois, c'est comme de la neige. Il peut y en avoir énormément. Et parfois, on va les trouver le long de la côte ouest des îles britanniques et de l'Irlande, mais beaucoup plus rarement. Et sur l'eau, on va pouvoir les voir flotter à perte de vue, comme des petits bateaux qui flottent tranquillement sur les vagues. Mais ça peut être impressionnant, parce qu'il y en a énormément, énormément. Donc c'est facile, tapez sur internet Vélèle, et vous allez voir que c'est assez caractéristique, et que vraiment, il peut y en avoir beaucoup. D'ailleurs, elles sont quand même facilement identifiables. La Vélèle, ça ressemble à un petit radeau avec une voile. Et ce radeau, c'est un flotteur qui ressemble un peu à du cartilage, mais qui est rempli d'air et qui est de forme ovoïde, de quelques centimètres, souvent de couleur bleutée, pas toujours. On voit aussi des anneaux ovoïdes qui partent du centre. Et puis la base, donc, elle est surmontée d'une sorte de voile transparente, plus ou moins triangulaire, avec des nervures qui sont orientées obliquement par rapport au flotteur, vers la droite ou vers la gauche. Alors, pour se nourrir, la Vélèle, elle va avoir des polypes nourriciers qui sont relativement courts, et elle se nourrit du plancton des mers. Et donc, ces polypes nourriciers, ils sont reliés eux-mêmes par un système de canaux qui permet à toute la colonie de partager la nourriture qui est ingérée par les polypes, en fait. Donc, il y a un peu une fusion d'organismes, ça ? Ouais, une sorte de coopération étroite, hein. Et donc la Vélèle, elle se nourrit du plancton, elle capture les micro-organismes grâce à ces polypes pêcheurs qui sont suspendus sous le disque, et ce sont eux qui sont donc garnis de ces fameux cnidocystes qui harponnent leur petite proie vraiment, par exemple des petites crustacées, des larves, des œufs de poisson, etc. Et une fois qu'ils ont été harponnés, neutralisés, ils vont être ensuite acheminés vers un polype nourricier central, et là il n'y en a qu'un, qui s'appelle le gastérozoï. Alors il faut savoir, c'est intéressant, qu'il y a une symbiose chez les Vélèles, c'est donc une association bénéfique pour les deux parties, avec les zooxanthelles, qui sont des micro-organismes unicellulaires qui se nourrissent par photosynthèse, donc en captant la lumière du soleil, et qui vont vivre en photosymbiose, en symbiose donc avec les Vélèles, et qui vont lui procurer un apport alimentaire supplémentaire en matière organique. C'est les Vélèles qui donnent la couleur bleue, ou ça n'a rien à voir ? Non, ça n'a rien à voir. Ah. Les zooxanthelles, ça va plutôt leur donner une couleur brune, d'ailleurs. Ah, d'accord. Okay. Alors, en ce qui concerne la reproduction des Vélèles, donc on a ces cellules spécialisées, les gonozoïdes, qui vont produire donc chacun des petites méduses par Alors, il y a plusieurs systèmes. Il y a une reproduction sexuée et une reproduction asexuée aussi. Donc, il y a des organismes, enfin, certains polypes qui vont produire par bourgeonnement asexué des milliers de petites de méduses. Qui font environ 1 à 3 cm de diamètre. Et ces méduses vont atteindre leur maturité sexuelle. Alors, en laboratoire, ça dure environ 3 semaines. Et à leur tour, ce sont ces méduses qui vont à leur tour libérer dans l'eau, c'est elles qui libèrent les gamètes mâles et femelles. Et donc, après fécondation, il y aura cette fameuse larve, la conaria, qui va se développer pour former une nouvelle colonie flottante dite de Vélèle. C'est son nom, conaria. C'est ça. Non. Pas de commentaire. Pas de, non. Non. C'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, juste une anecdote. Un des prédateurs de la Vélèle, c'est certainement le principal, probablement, je pense, c'est le poisson-lune qui absolument en raffole. Je pense que ça doit être un truc comme une gourmandise pour ces poissons. Et en ce moment, d'ailleurs, si vous trouvez en Méditerranée, très probablement, vous pourrez voir des poissons-lunes parce qu'en fait, ils ont une physionomie très particulière, une structure très particulière, les poissons-lunes. Et donc, si vous voyez une sorte d'aileron au-dessus de la surface qui bouge de façon un peu anarchique, chaotique, mais qui va pas très loin, et ben en fait c'est très probablement ce poisson nul, le mola mola qui s'appelle la molle, qui est en train de se faire un festin, en fait. Alors, on mettra dans les notes d'émission quand même les liens pour une vidéo qui est absolument fascinante, mais qui est magnifique, sur les Bellel. Vraiment, je vous invite à aller la voir. C'est superbe, absolument superbe. Je crois que c'est un gars qui s'appelle Sardet qui a fait ces séries de vidéos. Je vois le lien. Et c'est époustouflant. Pour beau travail. Ah ouais, ouais, tout à fait. Alors en fait, pour finir, je voulais parler d'un autre cnidaire que l'on voit beaucoup en ce moment, qui s'appelle la physalie. Et son nom, son joli nom, c'est la Physalia physalis. Alors la physalie, déjà, d'où vient son nom? Eh bien, ça vient du grec physalis, qui signifie la bulle d'eau. Très bien. Alors on la voit surtout à la surface des mers tropicales et subtropicales, dans les océans Atlantique et océan Indien. Et donc, par exemple, en ce moment, on la voit beaucoup aux Açores. On en voit énormément. Et parfois, on peut voir des bancs de millions d'individus. Moi, j'en ai peut-être pas vu autant, mais on en a vu pas mal. Vous avez vu des physalis, donc? On a vu quoi? Vous en avez vu des physalis? Ah, mais on en a vu, mais plein. Ah oui, énormément, quoi. En ce moment, il y en a énormément. et donc, elle apparaît comme un joli petit ballon de format allongé, un peu ovoïde, qui flotte tranquillement à la surface de l'eau. C'est un ballon translucide avec une sorte de teinte bleutée violacée. Ça brille au soleil, mais c'est un petit ballon délicat qui va faire 5 à 15 cm de long. Le dessus est crénelé. Oh, moi, ça me rappelle une pâte à tarte. c'est moi. Hein. Et puis, si on s'approche un peu, on remarquera sous la partie immergée des filaments bleu marine d'une très belle couleur qui plongent dans l'eau, qui sont très, très beaux. Et de fait, la physalis est très jolie. Et elle porte d'ailleurs le charmant nom verniculaire de galère portugaise, moins poétiquement la vessie de mer. Mais la joliesse de la physalie n'empêche pas celle-ci d'être redoutable pour de très nombreuses espèces d'animaux, dont l'homme d'ailleurs. Elle peut induire chez nous des fortes douleurs musculaires locales ou généralisées. Et il y a eu des cas graves de gêne respiratoire, vomissement, tachycardie, hypertension artérielle, crise hémolytique aiguë et défaillance rénale. Il y a eu des morts ? Létale. Ah oui. Ah oui, c'est dangereux. Hein. D'ailleurs, elle est à l'origine de la découverte de l'anaphylaxie en 1901, où on avait des chercheurs qui étudiaient donc les toxines. C'est quoi l'anaphylaxie ? C'est une réaction allergique généralisée dans D'accord, le corps humain. Donc ouais, t'es touché par la physalie et c'est l'intégralité de ton corps qui réagit. Oui, tout à fait. Ça fait une réaction allergique explosive. Et donc c'était à l'origine, on l'a découvert grâce à la physalie. Bah, ça a permis de... Physalie, mais on s'en est aperçu qu'il y en avait d'autres aussi, oui, que ça pouvait être dû à d'autres choses. Quoi. Voilà, exactement. Une piqûre de guêpe. Ou... Une cacahuète. Paf. Alors, elle est formée, elle aussi, par 4 types de polypes, hein, polypes, ces zoïdes, qui n'ont pas tous la même fonction. Ils ont une sorte de fonction spécialisée. D'ailleurs, on peut lire des bêtises hein, sur Internet. On peut lire que ce sont des organismes formés par 4 types d'individus différents. Comme si on pouvait mettre ensemble un cochon, une poule, un lézard et une autruche et que ça formait un nouvel individu. Ah oui, comme si c'était des espèces différentes. Oui, c'est intéressant. Alors, on a donc les zoïdes qui forment ce flotteur, qu'on appelle le pneumophore. C'est un flotteur qui a une forme intéressante. C'est un flotteur donc asymétrique et qui a des tentacules en dessous. Qui sont décentrés, qui vont pendre sur environ la moitié de la longueur, et l'autre moitié du flotteur qui forme une partie verticale au-dessus de l'eau. Donc imaginez un peu comme un flotteur comme un petit boudin, avec une moitié qui se retresse au-dessus de l'eau, et ça joue le rôle de voile. Et puis l'autre partie qui flotte sur l'eau, et d'où partent les tentacules. Et donc ce flotteur, il est rempli d'air ou parfois de monoxyde de carbone. Et ce qui est intéressant, c'est que la physalie peut très rapidement le vider. Ce boudin d'air, c'est pour plonger rapidement et brillamment pour prévenir une attaque qui vient de la surface. D'accord. Et donc ça, c'est un seul individu qui forme le flotteur ? C'est un super organisme, en fait. Hein. Mais oui, c'est un type d'individu qui forme le flotteur. D'accord, ok. D'accord. Il n'y en a pas qu'un. Mais ok, je comprends. C'est que l'intégralité de la physalie, c'est plusieurs, mais c'est que... C'est des polypes spécialisés qui vont faire... Ouais, c'est un seul polype qui fait ça. C'est d'accord, ça. Ok. Alors donc cette partie flottante qui possède donc cette sorte de crête en pâte à crêpes, en pâte à tarte, c'est la partie redressée, elle peut être à droite ou à gauche en fait de la crête. Et donc en fait on a des individus on va pouvoir scinder la population en répartissant les individus, ceux qui ont leur tentacule à droite, et ceux qui ont leurs tentacules à gauche de la voile, et ceux qui naviguent sur tribord, et ceux qui ont leurs tentacules à gauche et qui naviguent sur bâbord, en fait. Ah, d'accord. Alors, ces filaments, ils vont avoir jusqu'à 15 mètres de long, en fait, alors que la physalie, elle fait 5 cm de long, quoi. J'ai lu parfois 50 mètres sur le... Mais j'ai l'impression que c'est un peu une mauvaise traduction des unités, j'ai l'impression, je ne sais pas. Ça me paraît beaucoup quand même, 50 mètres. Alors, leur pouvoir urticant, il leur permet de tuer des petits poissons. Et donc, on l'a vu, induire parfois un état de choc, parfois létal chez l'humain. Et ces tentacules, ils jouent aussi un rôle d'encre flottante. Donc, chez les voiliers, les gens qui ont des bateaux, on peut utiliser une encre qui va tomber au fond ou envoyer, par exemple, un cordage qui va permettre, on va simplifier, de ralentir un bateau. C'est ce qu'on appelle une encre flottante, en fait. Et donc, ces tentacules peuvent jouer le rôle d'encre flottante. Et cette double dissymétrie, elle va permettre à la physalie de dériver à 45 degrés de la direction du vent et assurer ainsi la meilleure dispersion des populations dans les océans. Alors, on a ensuite des polypes qui sont dédiés à la défense et à la chasse de l'organisme. Ce sont les dactylozoïdes. Ce sont ceux qui forment les filaments, hein, qui ont d'ailleurs un aspect perlé, parce que chaque perle contient le cnidocyste, en fait. Et donc, un tentacule unique peut tuer un banc de petits poissons. Très puissant, le venin de la physalie, ça s'appelle la physalitoxine, et c'est donc, on l'a vu, dangereux pour l'être humain. On a aussi les polypes nourriciers, les gastrozoïdes, qui permettent la digestion des pois, des proies, donc les petits poissons par exemple, qui pendent eux aussi et qui sécrètent des sucs digestifs sur la proie qui a été capturée. Et donc ces gastrozoïdes, ils se présentent sous la forme de bourgeons à l'avant et de la colonie. Ils sont transportés vers l'arrière par une tige allongée. Et donc les physalies consomment aussi des crevettes, des copepodes et des autres qui sont des petits crustacés, en fait. Et puis, on a vu aussi qu'ils avaient des polypes reproducteurs, les gonozoïdes, qui mettent donc les cellules de la reproduction, donc les équivalents des spermatozoïdes et ovules humains. Et donc, quand il y a fécondation dans l'eau, il y a formation d'une larve, mâle ou femelle, qui va se transformer en un nouvel super-organisme. Voilà. Et puis, les nouvelles colonies, elles sont aussi formées par bourgeonnement où des polypes se séparent de la colonie principale. Et donc, c'est une reproduction asexuée. Voilà. Et pour finir, simplement, les prédateurs de la physalie, c'est principalement les pieuvres, les tortues et puis il y a quelques mollusques. Voilà. Top. Merci. Merci. Et donc, c'est la fin de cet épisode 475. Et on est sincèrement ravis d'être de retour avec vous pour cette saison 13 de Podcast Science. Nous vous remercions aussi pour tous les gentils messages que vous nous envoyez, nous les lisons tous et ils nous plaisent énormément. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous pensez de nos épisodes, si vous pensez à quelque chose que nous pourrions faire mieux ou pour nous donner vos impressions. Nous vous rappelons aussi que nous avons des comptes Patreon, Tipeee et Utip si vous souhaitez nous soutenir pour acheter du matériel ou voyager pour nous permettre de faire des émissions ensemble en public. On se retrouve cette année une semaine sur deux pour parler de science, dans la bonne humeur et en attendant que servir la science soit votre joie. We'll be right back.